Gentlemen, welcome to Fight Cine Club. Salut les amis et bienvenue dans Fight Ciné Club. Donc c'est un nouveau projet, un projet de podcast cinématographique. J'ai réussi à le dire sans me planter. L'idée c'est quoi? C'est tout simplement de vous parler un petit peu de l'actualité du cinéma art et essai. Parce que voilà, nous on est les jeunes montreurs et on officie du côté d'un petit cinéma art et essai. Et voilà, et on a envie de parler de ça tout simplement parce que des émissions de ciné, des podcasts, des vidéos YouTube, des trucs, on en voit plein, on en écoute plein, on lit aussi dans les magazines, etc. Et finalement, assez peu en particulier sur le web, la radio et tout ça, ou YouTube, assez peu d'art essai. Donc on a envie de montrer que c'est bien, que c'est pas chiant, c'est pas toujours un télo, on peut rigoler, on peut parler de ces films-là. On parlera de blockbuster aussi de temps en temps, mais pas que. Parmi l'équipe des jeunes montreurs aujourd'hui autour de la table, nous avons Mélanie. Salut Mélanie. Salut. Et Arnaud. Salut Arnaud. Salut tout le monde. Voilà. Et bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Ouais. Voilà. Merci de me présenter. Alors, c'est un pilote, un épisode pilote, donc c'est un petit peu de test, il y aura peut-être des petits tâtonnements et tout ça, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Mais on a quand même fait un sommaire que Mélanie va nous présenter, le sommaire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va vous parler des films qu'on a vus le mois dernier, donc en gros les films sortis en décembre 2016, janvier 2017. On fera un petit point aussi sur les films à venir, donc les sorties prévues pour février-mars 2017. Alors il y a des films sur lesquels on va s'attarder un peu plus longuement, d'autres sur lesquels on va juste faire des petites brèves. Voilà. Pour savoir qu'on est des gros privilégiés, donc on a déjà vu des films et pas on a déjà fi des vulmes qui vont sortir prochainement sur vos écrans et nous on les a déjà vus. Voilà. Et en fait on fera parmi le programme d'aujourd'hui, on va se caler aussi faire un petit focus comme on dit sur un film documentaire. Un focus. Voilà. Merci de m'aider à faire ce sommaire de manière fluide et pas du tout interrompue. Ben non, mais ça va être très très très interrompu tout voilà. Ça, forcément. Ça vous donne une petite idée de ce que vous allez entendre après. On fera un point sur le film du placard et puis nous terminerons par le crash test. Et comme ça s'appelle le Fight Ciné Club, on va essayer qu'il y ait de la baston. Voilà, c'est pas sûr après tout, puisque des fois on est d'accord. Mais pas de savonnette, voilà. Pardon. C'était la petite référence au film qui a donné le nom à l'émission. Voilà. Merci Mélanie pour ce sommaire fort clair et pas du tout interrompu. Et pas cette blague à la fin. Pardon, je suis désolée. Et c'est parti, en avant la savonnette. Gentlemen, welcome to Fight Cine Club. When you're a child, you learn there are three dimensions: height, width, and depth, like a shoebox. Then later you hear there's a fourth dimension: time. Your poetry is really, really good. And someday you might just decide to let the world get to read it. Look me in the eye for a second. Look me in the eye. You are a great poet. Et tout de suite, donc, on va parler de Patterson, de Jim Jarmusch, qui est sorti donc, au mois de décembre 2016 et qu'on a eu la chance de voir en prévisionnement au Festival de Hoche. Donc c'est Mélanie qui va nous en parler. Et pas du tout. Je crois que c'est toi. J'avais en fait, suivi. C'est pardon. Mathieu qui en parle. C'est Mathieu qui en parle, pardon. Mais c'est pas grave. Ça va bien se passer quand même. Donc on l'a vu effectivement au Festival d'Auch en octobre 2016. Donc on est, comme on disait tout à l'heure, déprivilégiés. Donc Patterson, c'est un petit peu moi ma palme d'or à moi sur l'année 2016. Déjà le pitch, on va commencer par le pitch. Donc c'est l'histoire de Patterson, un chauffeur de bus d'une ville du New Jersey qui est située à une trentaine de kilomètres de New York et qui s'appelle Patterson. C'est bien, il y en a qui le suivent. Je vous remercie. Donc ça s'appelle Patterson. Voilà, il est poète amateur à ses heures perdues, toujours prêt à griffonner dans un petit carnet qu'il ne le quitte jamais. Il est fan absolu du poète Carlos William, qui a vécu et écrit dans la même ville que lui et dont le recueil de poèmes le plus connu se nomme Patterson. Voilà, ça suit toujours. Arnaud, déjà, il suit moins. Il a déjà lâché la rampe. Il a lâché la rampe dès le départ, donc... Donc, ben voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord sur ce film, ben Arnaud, tiens, par exemple, pour commencer. Merci. Oui, ben moi, j'ai trouvé ce film vraiment d'une poésie merveilleuse. C'est vrai qu'au Festival d'Auch, on voit beaucoup de films. C'est très précipité, c'est très condensé. Et ce film-là, c'est une espèce de petite parenthèse poétique sur le quotidien, en fait, mais décrit d'une manière tellement douce, tellement... le quotidien est sublimé, en fait. C'est pas ennuyeux. C'est vrai que ça pourrait le paraître, mais en fait, ça l'est pas. Il y a toujours quelque chose qui nous tient en attention. Et voilà. Pour moi, ça a été vraiment une espèce de parenthèse assez douce et... Du festival, honnêtement, je crois que c'est le seul film dont il m'est resté toutes les images en tête, même des semaines et des semaines après. J'ai l'impression que j'ai vu le film la semaine dernière, alors que c'était en octobre. Et sur un paquet de films. On a vu 15 films en 2 jours et demi, ouais, donc voilà. Et en plus, je crois que Patterson, c'était le avant-dernier de la journée, sur le deuxième jour, où vraiment, je crois, on était très fatigués déjà. Ça, ouais. On avait déjà mal aux fesses d'être assis pendant 48 heures sur des fauteuils de ciné, plus ou moins de bonne qualité, voilà. Donc j'aurais pas dit forcément tout de suite après le festival que c'était mon coup de cœur du festival. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est amusant ce que tu dis, parce que là, ça fait combien, 6-7 mois peut-être que c'est passé, et je me rappelle quand t'étais sorti du film, ton retour était plus... J'étais pas emballée, pas quoi en penser. Ouais. Je savais pas quoi en penser, parce que je me demandais un peu ce que je venais de voir. Alors je connaissais pas du tout Jim Jarmusch, je connais pas sa filmographie, c'est le premier film que j'ai vu de lui, du coup, et j'en ai vu un autre récemment, c'était Only Lovers Left Alive, que t'avais pas vu avant. Que j'avais pas vu. Ah non, mais je suis la carte un petit peu non sachante de cette émission. le français est approximatif aussi. Voilà. Cette et du coup, je dois dire honnêtement que ce film m'a vraiment marqué. Mais alors, c'est difficile de dire pourquoi, je crois qu'il faut l'avoir vu pour comprendre un petit peu ce que ça peut susciter, parce que c'est l'art d'être mou sans être ennuyant. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas d'action, il ne se passe pas grand-chose, mais on est tenu, comme tu as dit, en haleine jusqu'à la fin, et on a même envie que ça continue, même si ça peut... Spoiler, encore que c'est quasiment impossible à spoiler un film comme ça, mais on peut parler peut-être un petit peu de la structure du film. Effectivement, c'est construit sur la base d'une semaine qui va du lundi au lundi, et donc c'est vrai que, enfin moi ce que j'ai trouvé merveilleux dans ce film, c'est que la structure, donc on va du lundi, mardi, mercredi, on va voir la vie de ce couple sur une semaine, couple banal, sur une semaine normale. Son quotidien de chauffeur de bus. Voilà, et ce qui est hyper intéressant, mais dès la première image du film, déjà on a cette vue en plongée sur le lit conjugal, c'est le premier plan de chaque jour qu'on va retrouver à chaque fois, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que il y a cette espèce de système répétitif, le côté, on parlait du quotidien sublimé, donc cette espèce de rituel de la journée, du quotidien, donc qui est répété à l'infini, mais avec à chaque fois des petites nuances. C'est-à-dire que les journées ont l'air d'être toujours pareilles, mais en fait elles sont jamais pareilles. C'est-à-dire qu'il se passe toujours quelque chose d'un petit peu différent. Et ce qui est hyper intéressant dans la mise en scène de Jarmusch, c'est qu'il traduit ça par sa mise en scène, notamment par son cadrage, la façon dont il filme. C'est-à-dire que il y a toujours à peu près la même structure dans la journée, les petites habitudes du héros Patterson, et le petit running gag du chien avec avec la boîte, la boîte aux lettres. Là, pour le coup, on a spoilé un truc, donc on coupera au montage ou pas. Ou pas. Et de toute façon, ça crée la surprise, je pense quand même. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des cadrages, ça change pareil à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir deux fois la même image, alors que si vraiment, on l'a vu qu'une fois, mais je pense que si on le revoit et on le regarde encore une fois en analysant vraiment les plans, je pense que le cadrage il change tout le temps. C'est-à-dire qu'un coup ça va être plus large, un coup la plongée elle va être légèrement différente. D'ailleurs, c'est pas toujours en plongée, par exemple le fameux plan sur le lit conjugal. Enfin, c'est vraiment un peu un tableau impressionniste par petites touches, ça change tout le temps, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est un vrai réalisateur. Il y a vraiment un cadrage qui est magnifique. Il y a une photographie qui est sublime, quoi. La lumière est sensationnelle. La musique et les musiciens en plus, donc elle est toujours, elle accompagne bien les scènes qu'il nous présente en fait. C'est son groupe d'ailleurs, hein, Skirl, qui a fait la, enfin il a fait la BO lui-même avec son groupe de musique d'ailleurs. Mm-hmm. Oui. Ouais. Donc elle est pas en trop, elle est juste en fait. Donc là vraiment, alors c'est pas un film, c'est assez difficile à définir. Hein. C'est mm-hmm. c'est pas un film d'action, c'est un film poétique. Mais après quelle définition de ce genre de film en fait ça peut être, c'est assez difficile à définir. Mais en tout cas c'est un moment agréable à voir quoi. Ouais. Bah, il s'attaque à un truc difficile en plus, c'est arriver à représenter, parce que le personnage central donc est un peu un poète amateur, alors chauffeur de bus d'abord. Ouais. Et bon voilà, il chope des bribes de conversation dans son bus, il en fait des poèmes et puis il passe un peu du coq à l'âne, c'est-à-dire c'est vraiment le encore une fois le quotidien sublimé quoi, parce qu'il est là dans son bus et puis il chope une conversation entre deux ouvriers et puis du coup ça lui fait penser à un truc, il commence à griffonner un truc dans son cahier, puis du coup ça lui fait penser à la petite boîte d'allumettes bleues, les Blue Matches, Patterson, New Jersey Patterson Blue Matches là. Et ça lui fait penser à ça parce que le matin même en prenant son café il a vu ça sur la table de la cuisine, puis paf il commence à griffonner un truc et puis du coup cette petite boîte d'allumettes bah, ça lui fait penser à sa femme, enfin sa compagne en tout cas, et puis paf, et du coup ça se transforme en poème d'amour avec certains passages de ces textes qui sont en train de s'écrire à l'écran. C'est quand même hyper compliqué de représenter la poésie a priori au cinéma, enfin il y a rien, il y a pas plus anti-cinématographique a priori que, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais me permettre une petite remarque qui n'a rien à voir, mais qu'est-ce que ça me fait bizarre de vous entendre parler de poésie. C'est pas faux. Je pense qu'on peut résumer en disant que on a... Ah mince. On a un comparse qui frappe à la porte. Ah oui, ouais. Merci. À bientôt. Salut. Bah oui, oui. Il se passe des choses hein, voilà. Dans cette émission. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui frappent à la porte. Donc la poésie est cassée. Je pense qu'on peut résumer pour pas être trop long qu'on a adoré. Ouais. On a adoré ce film. Que s'il y a des gens qui ne connaissent pas la filmographie de Jim Jarmusch, ils peuvent commencer par celui-là. Je pense que ça va pas du tout leur faire peur. Bah là, tu guillemets. Parles en témoin. Puisque je parle en témoin privilégié, encore une fois, soyons tous privilégiés aujourd'hui. Et effectivement, moi, ça m'a donné envie d'aller regarder sa filmographie de plus près. Donc, j'ai continué avec Only Lovers Left Alive, mais je compte bien continuer parce que j'ai bien aimé aussi celui-là. Dans un autre registre, même s'il y a la même façon de traiter cette espèce de côté mou mais pas chiant, qui je pense est la patte, j'ai l'impression, du réalisateur. Voilà, donc je sais pas s'il passe encore dans les salles. Il y a peut-être dans quelques cinémas, mais c'est vrai qu'il est sorti en décembre. Déjà. Ouais. Donc, il y a peut-être quelques-uns qui font encore si des reprises. Si vous avez encore l'occasion de le choper au ciné, allez-y. Et puis sinon, attendez. Il faut quitter le Blu-ray hein, maintenant. Hein. Ouais, on va pas être hypocrite, attendez de le trouver en streaming. Hein. Non, faut pas dire non, ça. Non, faut pas dire ça. Ça. Pardon. Faut pas faire ça. Attendez, ouais. Voilà. Attendez le DVD. Qu'est-ce que je voulais dire Oui. Un petit mot sur Adam Driver, quand même, qui est l'acteur principal du film, qui le porte, qui est aussi, pour ceux qui ne le savent pas, le fils dans Star Wars. Je suis ton père. Donc, qui est complètement à contre-emploi dans ce... Si tu précises pas le fils dans de Star Wars. Le oui. Fils, bah le fils... le méchant le dans méchant, Star quoi. Wars 7. Voilà, le méchant. Voilà. Kylo Ren. Kylo Ren, voilà, merci. Dans Star Wars 7, qui est complètement à contre-emploi dans ce film-là, quoi. Mm. C'est une catastrophe. Mais vraiment, dans le film Patterson, qui vraiment, il le porte magnifiquement, quoi. Il a une sensibilité dans le visage, quoi, dans le regard et tout. Une voix très grave aussi. Mm. Ouais. C'est vrai que comme il y a beaucoup sa narration, sa voix qui porte les poèmes notamment et qui illustre les images, c'est vrai que sa voix est quand même... C'est un acteur très très grand en plus. Il est grande gigue, ténébreuse. Il est de tout son long dans ce film, mais c'est bien mis en avant aussi. Et puis il a ce physique un peu particulier. Ouais. Qu'on peut pas oublier quoi. Une fois qu'on l'a vu, c'est vrai qu'il a une tête qu'on n'oublie pas. Le géant au cœur tendre. Moi, je suis obligé de parler de Golshifteh Farahani, hein, l'actrice franco-iranienne absolument par hasard. Magnifique. Ouais, c'est vrai, belle. et qui est hyper drôle quand même, il faut oui. le dire. Oui. Elle est hyper drôle dans ce film. C'est vrai qu'elle a un rôle. Elle aime bien le noir et blanc. Voilà. On vous en dira pas plus. Mais c'est vrai que ça donne des idées de mise en scène du coup absolument géniale grâce à ce personnage qui kiffe le noir et blanc. Quoi. Ouais, on peut quand même dire qu'effectivement ce film est quand même drôle. Enfin, oui. Il est, ah ouais, il y a, complètement. Il y a, ouais. Il est, enfin, on sort de là, on est content. Il y a des séquences quoi, extraordinaires, ouais. Comme quand il croise la gamine dans la rue, qui est poète aussi, la gamine elle a 7 ans, elle est là à écrire des textes de ouf. Il y a des trucs absolument géniaux, quoi. Ouais. Et puis le dernier comédien quand même dont il faut parler, bah, c'est Marvin quand même. Le chien ? Ah bah oui. J'étais là, il va... J'étais là, oui. Qui est Marvin ? Exactement. Mais le non, chien parce que joue très bien, c'est le vrai. Le chien joue très bien. Mais non, mais vous savez quoi ? C'est que Cannes est complètement passé à côté de ce film, parce qu'il a eu zéro prix. Mmh. Enfin si, en fait, il en a eu un. Il a eu le Palme Dog. Vous y croyez ça ? Sérieux ? Pour de vrai ? Ah oui, pour de vrai. Oh, Marvin a été récompensé de la meilleure Bravo. Performance. Bravo, Marvin. Bravo, Marvin. Bravo, Marvin. Marvin. Voilà. T'auras un os, d'or. Il a eu un os d'or. Voilà, donc okay. Sur ces félicitations à Marvin, je crois qu'on a assez parlé de Patterson, donc eh bien. For $1 zillion, the question is, who let the dogs out? Pasado solo 3 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa. ¿Cómo me veo? Irreconocible. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Se metía la mano al bolsillo, sacaba un papelito, 10.000 proletarios se quedaban callados para escucharlo, entrar, recitaba poesía. People like to believe in fairy tales. Don't let it be forgot that for one brief, shining moment, there was a Camelot. Et on continue avec un diptyque, deux films de Pablo Larraine, réalisateur, mais d'où il est d'ailleurs ? Il est mexicain, je crois ? Enfin, bon, il est par là. Le là, type... tu t'es carrément lancé dans le film. Bien préparé, là. Le type qui est parti... Il a 40 ans, c'est tout ce que Chilien. Je peux vous dire. Chilien, je te remercie. Bon, voilà, c'était par là, j'étais pas trop loin. Ouais. le gars qui est parti, mais alors freestyle, complet. Ouais. C'est pas très grave. Tout ça pour vous dire que Pablo Larraine, actualité un peu particulière, le hasard des calendriers de production et de distribution font qu'il a deux films qui sortent en ce début d'année. Donc, le premier, c'est Neruda, qui est sorti au mois de décembre-janvier, par là, et Jackie qui vient de sortir là au mois de février, que je n'ai pas vu tout simplement parce que moi j'ai été très déçu par le dernier Pablo Larraine que j'avais vu, c'était en 2015 du coup, et ça s'appelait El Club, une sombre bouse sur des espèces de moines reclus, voilà. Enfin pas des moines mais bon des violeurs dans la religion catholique qui sont foutus dans une maison quelque part au Chili, donc j'avoue que ça m'a bien freiné, donc je ne suis pas allé voir les deux derniers qui sont des biopics qui n'en sont pas, mais du coup j'ai deux personnes qui vont en parler beaucoup mieux que moi, alors qui commence ? Je vais y aller. Exactement, donc effectivement, alors Neruda, ça fait partie aussi des films qu'on avait eu la chance de voir au Festival d'Auch en octobre. Alors, Neruda, personnellement, je suis pas très, j'ai pas aimé, j'ai eu du mal à rentrer dans l'intrigue, mais aussi parce que j'ai été perturbée, parce que je pensais aller voir le biopic de Neruda. Et en fait, c'est... Enfin, et Jackie, c'est pareil. Et en fait, c'est une fois que j'ai vu Jackie que j'ai compris, en fait, je crois, la patte du réalisateur. T'as compris son délire, quoi. C'est ça. Et en fait, je pense que, du coup, Jackie me permet de, finalement, mieux comprendre Neruda, et finalement d'aimer un peu mieux Neruda, même si je pense aussi que ce qui fait que j'aime pas Neruda, c'est le jeu d'acteur, notamment de l'acteur principal qui en fait m'a insupporté. Je pense qu'il surjouait et qu'il était alors, pas... Alors comme je l'ai pas vu, c'est lequel, celui qui joue alors, Neruda du celui coup qui joue Neruda, alors d'accord. Le nom... Louis Neco. Voilà, merci mon insistant parlementaire, et ce n'est pas un emploi fictif. On n'a pas de salaire hein, concrètement, donc on est... nous ne sommes pas payés à travailler justement. Donc en fait, pour essayer de résumer, on va parler des deux films, parce que Neruda et Jackie, finalement, c'est un peu la même chose dans la manière dont les films sont construits. C'est-à-dire que le réalisateur a choisi non pas de faire un biopic, justement, comme on peut tous les imaginer, de la naissance jusqu'à la mort, ou sur la carrière étalée sur plusieurs années, ou j'en sais rien, la vie privée ou la vie publique, peu importe. Avec quatre acteurs pour faire tous les âges. Exactement. C'est pas du tout ça. En fait, il se focalise sur un moment charnière de la vie de ses personnages. Donc, pour Neruda, c'est le moment de sa fuite, quand il est devenu un petit peu non désiré par le gouvernement parce qu'il a un peu la langue trop bien pendue et que sur le plan politique, il commence à chagriner un petit peu les hommes au pouvoir, en gros. Et c'est sur son exil, en fait, et sur sa cavale. Donc ça s'arrête là, en fait, c'est juste focalisé sur sa cavale et sur la, donc le policier Peluchono, donc, qui est joué par Gael García Bernal, qui à la fois l'admire parce que, il faut reconnaître que Neruda est encore un poète, on peut continuer parler de poésie, de grand talent, et en même temps, bah, il doit faire son travail de policier et pourchasser cet homme qu'il déteste autant qu'il aime, parce que Neruda se fout quand même pas mal de sa gueule aussi, il lui fait des entourloupes et il est assez malin et assez imbu de lui-même aussi parfois. Alors je sais pas si c'est fidèle au personnage de Neruda, parce que je vais être très honnête, je connaissais pas tellement, je savais que c'était un poète célèbre, mais de là à connaître son œuvre, etc., pas du tout. Et donc c'est focalisé sur cette histoire-là, et en fait il y a des envolées lyriques qui, moi, m'ont ennuyée. Bon, voilà, j'ai pas été très très emballée, et puis aussi perturbée, parce que je m'attendais à, tiens, justement, Neruda, qui est un poète si connu, j'aimerais bien savoir un peu quelle a été sa vie, et puis, bim, c'était pas du tout ça le film, donc c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai été déçue. Donc ce n'est pas un film Wikipédia. Et voilà, non. Exactement. Alors, je vais continuer, puis je te laisse la parole vas-y, après, vas-y. Arnaud. Ouais. Et en fait, pour Jackie... Du coup, j'avais déjà vu Neruda, donc je me suis un peu doutée de l'entourloupe avant même d'y aller, entre guillemets. Donc j'étais déjà beaucoup moins dans l'attente de « je vais découvrir la vie de Jackie Kennedy ». T'étais préparée. J'étais préparée. Et pour le coup, ça se focalise du coup sur la période charnière pour Jackie Kennedy. C'est quoi ? C'est l'assassinat, évidemment, de son mari, sous ses yeux, là, voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais tilté, c'est qu'on s'est jamais vraiment posé la question de ce que ça avait pu représenter pour elle voir son mari assassiné sous ses yeux. Pour l'Amérique, tout le monde s'est posé la question 10 fois, mais pour sa femme, personne. Exactement. Et en fait, ça doit être absolument atroce de vivre un truc pareil, d'autant que c'est la première dame et que dans les 24 heures qui suivent, elle n'est plus personne. Enfin, c'est absolument horrible. Donc moi, comme je disais hors antenne tout à l'heure, je mise un gros paquet sur Natalie Portman pour les prochains Oscars, parce que vraiment, moi j'adore cette actrice, mais vraiment là... Je sais pas quoi dire, mais elle est sublime. Au bout de 5 minutes, on oublie que c'est Natalie Portman qui est à l'écran. Elle a une manière de... Alors, faut le voir en VO, j'insiste. Regardez les films en VO, surtout celui-là. Parce qu'elle a une manière dans la diction... Elle a changé un tout petit peu sa voix, enfin, elle a vraiment... qui est très reconnaissable en plus. Elle a vraiment fait un travail elle s'est accaparée le rôle vraiment de Jackie Kennedy, c'est absolument... Elle le porte complètement. Ouais. Ah ouais, ouais. C'est... Ah, puis elle s'est tellement jouée, les personnes qui sont ébranlées mais qui essaient de rester dignes, enfin vraiment, moi j'ai été beaucoup plus emballée par Jackie que par Neruda, mais probablement aussi parce que je me suis plus facilement identifiée au personnage de Jackie. C'est une femme, etc., que Neruda... Ah, complot féministe encore. Voilà. Bon, chose qui ne gâche rien, on aperçoit très peu le président, mais l'acteur qui a été choisi lui ressemble énormément. Ah oui. Ouais. Donc ça rajoute vraiment sur l'impression qu'on est dans une immersion totale dans le milieu des Kennedy, quoi. Et alors, la réalisation, vraiment, les plans, tout, les costumes, alors j'ai aucun terme technique professionnel pour décrire ça, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ce film absolument magnifique, à plusieurs plans. Alors j'ai pleuré. Bon, je suis pas une bonne, un bon curseur pour ça. Il faut le savoir, Mélanie pleure devant tous les films. Le Roi Lion, je crois. C'est parti du premier film que j'ai vu au cinéma, c'est-à-dire Le Roi Lion, jusqu'au dernier, donc Jackie, que j'ai vu là. Non, mais honnêtement, il est... C'est la mort d'un roi. Hein, oui. Qu'il arrive. C'est ça. C'est toujours le même film. Non, mais vraiment, c'est un film que je recommanderais plus Jackie que Neruda, enfin, personnellement. Voilà. Et je pense que Pablo Larraine se perfectionne de film en film, et je pense que donc il est parti apparemment d'une belle bouse, donc El Club. C'est pas son premier, hein. Mais pas son premier, mais qui commence à être connu par ce film-là. Milieu, moi, je trouve, il fait tâche, mais bon. Voilà, bah finalement, peut-être que c'était une erreur de parcours, El Club. Alors, pour le coup, j'ai pas vu El Club. Alors, après, il y a des gens qui ont adoré El Club, hein, faut le dire. Voilà, alors là, je vais être très honnête. Hein, je crois que d'ailleurs, à l'époque où on l'avait vu, j'étais en minorité quand même. Hein. Il y a des gens qui aiment se foutre avec les orties. Hein, Voilà. Alors ça, c'était la blague que vous n'avez pas compris. Voilà. Et nous non plus, d'ailleurs. Donc après, voilà, je vais peut-être laisser Arnaud dire ce qu'il en a pensé, lui. Ouais, bah après, bah effectivement, j'étais très, très partagé sur Neruda. Donc je reviens sur Neruda. Mm. Alors déjà, j'ai été vraiment gêné par le visuel, en fait. Cette espèce de... c'est filmé un peu à l'ancienne et il y a une espèce de grain sur la pellicule. J'ai pas trouvé ça. C'est marrant très parce que c'est ce que j'ai détesté dans El Club. Alors j'ai pas vu Neruda, mais il y a cette espèce de filtre. Il nous fout un filtre bleu là, en tout cas dans El Club. Et pendant une heure et demie, t'as un filtre et puis au bout d'un moment, paf, il disparaît. Tu comprends pas pourquoi. Alors je sais pas dans Neruda du coup. En tout cas, j'ai pas eu cette impression pour Jackie. Après Neruda, moi, ce qui m'a peut-être plus gêné, si on parle des mouvements, il y a beaucoup beaucoup de mouvements de caméra, de travelling qui sont un peu après, inutiles. Alors, le truc, c'est que et Neruda et Jackie, en fait, il y a un montage très particulier, quoi. Il segmente vachement les scènes. On passe de la cuisine au jardin comme ça, en fait. Il y a pas de lien entre les scènes, donc c'est perturbant, quoi. Et finalement, je pense que ça casse le rythme, notamment de Neruda. Puisque Neruda, c'est censé être quelqu'un de fantasque un peu, qui a fait beaucoup de frasques, qui est très exubérant. Un petit peu imbu de lui-même aussi, parfois. Et finalement, ben, ça casse son rythme, en fait. Finalement, il paraît juste un mec un peu bedonnant, un peu drôle, quoi. Finalement, ça perd un peu de son truc. Je pense vraiment que l'acteur joue très mal. Et là, peut-être, ouais, peut-être l'acteur est... Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé effectivement ce type qui est censé être vraiment exubérant, quoi. Par contre, la fin de Neruda, bon, je vais pas spoiler, bien sûr, mais la fin de Neruda, je trouve, rattrape énormément le début. Parce que ça n'a rien à voir avec l'histoire de Neruda. Au final. Et c'est plus basé sur l'histoire de Bernard... Péluchonneau. Le policier dont Le policier, ouais, parce que le nom, je n'arriverai jamais à le dire. Il faut savoir que je vais à chaque fois... La dyslexie. Péluchonneau. Ouais, non. Attends, Oscar Péluchonneau. J'ai mes notes. Gaël Garcia Bernal. Ah, voilà. Donc, ça, c'est l'acteur. Ouais. Ça, c'est l'acteur, ouais. Oui. Mais alors là, à chaque fois, je vais l'appeler Bernard Garcia ou n'importe quoi. Ça, parce que Bernard, c'était pour dire Gaël Garcia Bernal. C'est intéressant. Le truc qui a rien à voir. Donc l'histoire est plus centrée sur lui et ça finit en espèce de dans la neige, en fait, comme un espèce de western à l'ancienne et tout. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment superbe. Par contre, toute l'histoire de Neruda, effectivement, j'ai pas accroché. Le montage m'a gêné, la pellicule photo m'a gêné. Voilà. Voilà, je suis même pas d'accord avec toi pour la scène dans la neige. Moi, je me suis ennuyée. J'étais, oh putain, ça finira jamais. C'est ça que tu parlais d'envoler lyrique tout à l'heure. Ouais, alors non, c'était pas là, parce qu'il y a des moments. Alors, apparemment, Neruda avait des moments où il lisait ses. Je pense, du coup, hein, je me suis pas renseignée sur la vie de Neruda après avoir vu le film. Ça m'a pas donné envie de m'intéresser à ça, alors que par exemple, Patterson, ça m'a donné envie presque de lire les poèmes de Patterson. Qui donne envie de regarder la page Wikipédia. Et là, voilà. Même pas. Et là, même pas du tout. Non, vraiment. Je me suis dit, il est chiant, Neruda. Non, mais apparemment, il avait l'habitude. C'était un orateur. C'était un peu un homme un peu théâtral, a priori. Il avait, je pense, l'habitude de lire des extraits de ses poèmes en public. Et les gens le regardaient avec admiration. Et ces scènes-là, la caméra... En fait, il est au milieu de la foule. Donc, il est entouré de la foule. Et la caméra, elle tourne en rond autour de lui, qui fait des grands gestes et des machins avec une musique. Les envolées lyriques comme ça, j'étais mais... Enfin, moi, personnellement, ça m'a saoulé. Voilà. Ouais, en fait, c'est effectivement, maintenant que tu le dis, en fait, voilà, pour montrer que c'était un grand orateur, on le fout au milieu d'une salle, en train de dire ses poèmes, et puis point. Pour montrer que c'était quelqu'un qui, on le met au milieu des politiciens, il fait une petite blague, tout le monde rigole, et puis voilà. Et on passe de scène en scène comme ça, donc finalement, il n'y avait pas de fil rouge, de fil conducteur qui pouvait permettre de faire un peu le lien entre toutes ces scènes, et on va essayer de terminer, parce qu'on est peut-être un peu long, mais alors que dans dans Jackie, je pense qu'il a appris leçon de ses erreurs. Et en fait, dans Jackie, il y a quand même une manière de se raccrocher à un fil conducteur, un minimum, sans spoiler l'histoire, même si en même temps, il n'y a pas à spoiler sur l'histoire de Jackie Kennedy. Il y a ce fil conducteur qu'il n'y a pas dans Neruda, c'est le journaliste qui l'interview. Et du coup, ça fait vraiment une série de flashbacks dans un ordre complètement... sans logique, oui. Mais du coup, ça fait plus penser à justement quelqu'un qui sera en train de se rappeler de ce qu'il raconte, et puis, bah, ah tiens, il y a autre chose qui me revient maintenant. Ça vient pas dans l'ordre, quoi. Ça vient pas dans l'ordre, on avait déjà eu cette conversation sur autre chose, je sais plus. Et du coup, ce qui permet de raccrocher les wagons de ce désordre de scène, c'est l'interview. Pardon, je fais des grands gestes et je bouge. Tape dans le micro, je tape dans le micro. On dit ce qui se passe. du coup, ça m'a perdu dans ce que j'étais en train de dire. Oui, en tout cas, on arrive à réorganiser une logique au milieu de ce fourbi de souvenirs parce qu'il y a l'interview derrière. Enfin, je pense que ça, c'est ce qui fait que c'est mieux pour Jackie, alors que Neruda, c'est le bordel du début à la fin. Et puis, Neruda, il y a deux histoires, en fait. Il y a l'histoire de Bernard Garcia... Gaël Garcia Bernal. Il s'appelle toujours pas Bernard. C'est Bernal à la fin. Oh, purée. Et l'histoire de Neruda, donc il y a deux histoires en fait qui se confrontent, et Jackie, on reste vraiment sur l'histoire de Jackie, quoi. D'une seule trame, quoi. D'une seule trame, voilà. Du coup, alors, ça se perd moins. Ouais, ça se dilue moins, quoi. Voilà. Je trouve que sur Jackie, il y a vraiment. Il y a une composition d'image qui est vraiment intéressante. Il y a plus de plans fixes aussi. Il y a plus de plans fixes, c'est plus posé. C'est moins... Faites des plans fixes, les amis. Ouais, s'il vous plaît. Ouais. Des plans fixes. J'aime bien les plans. Donc ouais, effectivement, on voit quand même la mort de JFK et c'est très très bien fait. Non, c'est vraiment Jackie. Je le conseille quand même. C'est quand même, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et cette approche, en fait, de voir justement cette femme, la force de caractère qu'elle a dû faire, dont elle a dû faire preuve. Ouais. Voilà, exactement. Ça vient, mais ça, c'est comme c'est du Pablo Larraine, là, la manière dont je parle. C'est segmenté. Ça vient avant après. Tu as deux traducteurs qui pratiquent le Arnaud. Donc, à choisir plutôt Jackie. Plutôt à voir, parce que j'ai trouvé quand même ça. J'ai passé un bon moment, ouais. Et donc un petit billet sur les Oscars, au moins pour l'interprétation. Ok, bah écoutez, je pense qu'on en a bien parlé. Donc on va arrêter là, voilà, tout simplement. On passe à la suite. Allez, on passe à la suite. C'est à moi fort, Johnny. C'est le dernier rayon de soleil. Diane, j'ai pensé à elle jusqu'à la fin. Dis à Tilly-Tim que son papa ne rentrera pas pour Noël. Dis à Scarlett que ce n'est pas le cadet de mes soucis. Oh, pardon. Merci à tous. Oh, chérie, vous m'aimez. Vous m'aimez, chérie. Gentlemen, welcome to Fight Cine Club. Et donc là, on va parler un petit peu moins réessai et un petit peu plus blockbuster, puisque on a tous vu Rogue One de Gareth Edwards et aussi Premier Contact de Denis Villeneuve. Et on avait quand même envie de faire une petite parenthèse là-dessus. Petite parenthèse blockbuster, voilà, dans cette émission. Parenthèse qui tâche. Faut pas dire ça. Nous, on aime tous les cinémas. Voilà, mais... exactement. Bah oui. Mais on va autant voir les blockbusters que les films en noir et blanc, sous-titrés russes de 4h45. Alors là, on va passer pour des vrais intellos. Des gros clichés. Alors qu'en vrai, des films en noir et blanc, si on en voit deux par an. C'est ça. Ah si. Quel film on a vu en noir et blanc? Je sais plus. Fukushima, mon amour. Ouais, on en parlera une autre fois. Donc en fait, on a voulu. Enfin, je sais pas si je vous laisse la parole, Mathieu, Arnaud, ou si je continue. Je continue. Je continue. Ok, allez, super. Vas-y. Organisation. Donc en fait, Rogue One. est-ce que c'est la peine d'en parler ? Je sais pas, on est tous ultra fans de la saga Star Wars, donc on ne pouvait pas ne pas aller voir Rogue One. Voilà, on était obligé de filer notre truc. On n'a même pas pu attendre, voilà, on n'a pas pu attendre que la VO nous soit disponible au montreur, c'est-à-dire qu'on a d'abord été le voir avec nos familles à Noël en VF dégueulasse. On s'est tous infligé cette VF, absolument. Et évidemment, on l'a revu en VO après, donc déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire, regardez-le en VO. Voilà, bon, voilà. Déjà pour commencer. Mais pourquoi on a voulu parler de Rogue One ? C'est aussi parce qu'il est sorti plus ou moins au même moment que Premier Contact de Denis Villeneuve et que, en fait, Premier Contact est quand même vachement mieux. Oui, je crois qu'il n'y a pas photo. Voilà. Donc on va plutôt parler de Premier Contact, effectivement. Je crois que ça mérite plus le coup de passer dessus. Voilà. Juste, Rogue One, on voulait juste le tacler un peu. On ne va pas en parler des heures parce que de toute façon, tout le monde en a parlé. Il y en a qui en parlé beaucoup mieux que nous. Il y a juste... On voulait faire une rubrique dans cette émission. Oui. Et ça sera la fin qui sauve le film ou qui pourrit le film. Alors Rogue One, c'est la fin qui casse tout. Et là, c'est la fin qui casse tout. C'est la fin qui casse tout. Bon, c'est du gros blockbuster, c'est du Mickey, etc. Mais bon, c'est de facture, on outre ça de facture assez correcte. Ouais, voilà, ça respecte l'univers, etc. Mais alors, cette dernière séquence, c'est juste pas possible, quoi. Voilà, bref, passons. Passons. Non, mais c'est vrai, oui. Pourquoi montrer Leia en full 3D, dégueulasse, alors que par une petite pirouette de mise en scène super intelligente, il y avait tout à fait moyen de faire un truc carrément 4 fois mieux. Et de rendre un dernier hommage à Carrie Fisher en plus, quoi, qui vient de nous quitter. Elle n'était pas décédée encore quand ils ont fait le montage, mais effectivement, c'était pas. On comprend que de toute façon, il va dans ce vaisseau-là, il n'y a pas besoin de la montrer. Ça pouvait être vachement plus iconique et ils t'ont fait un espèce d'effet. Bref, donc on va parler de. Mais quand même, c'est dommage parce que je pense que Gareth Edwards, il a vraiment des qualités. Il y a des belles mises en scène. Il a des belles mises en scène. La destruction des planètes, ça défouraille un peu, c'est sûr. Mais quand tu compares la destruction des planètes de Rogue One et celle du Star Wars 7, en fait, celle de Rogue One, quand même, elle est beaucoup plus chiadée, quoi. Elle envoie du steak. Hein, ça envoie du lourd, oui. Mais en fait, c'est plus presque le travail sur le son qui est intéressant, je trouve. C'est le son qui est impressionnant, moi, je trouve, sur cette scène de destruction. Alors il y a l'image qui va avec, évidemment, mais t'as vraiment l'impression que tu vas te prendre un truc sur la gueule parce que le son est vraiment crescendo. C'était la seconde où on dit un truc positif. Non, mais je pense qu'il a un potentiel, mais après il y a des qualités. Et je pense que la production là, ça doit. Bon, de toute façon, ils n'ont pas attendu notre avis pour faire des millions. Ouais. Je crois qu'ils sont un milliard. Ils viennent de passer le milliard a priori. Voilà. Bon, voilà. Donc on ne voulait pas en parler, mais on est déjà dessus depuis 5 minutes. Et donc on voulait quand même mettre un peu le projecteur. Alors je sais pas en termes de box office. C'est ce que ça a fait, Premier Contact, honnêtement. Alors j'avoue que j'ai pas les chiffres. On n'a pas complètement tout bien préparé, donc voilà. Mais toujours pour dire que... je vais regarder pendant que tu pars. Voilà, Premier Contact, en fait, je pense, enfin, on a tous été assez d'accord. Personnellement, je l'avais même pas vu passer au ciné. C'est par le biais de je sais plus qui que j'en ai entendu pas. Peut-être bien toi, Mathieu. Mais oui, parce que j'ai essayé de vous y tirer un lendemain de soirée, comme aujourd'hui. Et bizarrement, on a eu la flemme. Vous n'étiez pas motivé. On n'avait pas envie. On préférait rester à la maison. Et on aurait dû se déplacer finalement, puisqu'on l'a revu plus tard. Et que, effectivement, c'est un vrai film de SF, comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Et Denis Villeneuve, ça promettait déjà, je crois, mais c'est surtout, je crois. Alors, c'est lui qui réalise le prochain. Le prochain quoi, rappelez-vous Blade Runner de 2049. Voilà, et oui. Donc, et ça rassure quand même vachement sur sa capacité. Il y a moyen que Blade Runner, belle suite, quoi. Le prochain Blade Runner défouraille bien comme il faut. Sachant que j'ai vu, alors toujours une fois, moi je rattrape les choses 40 ans après, j'ai vu Blade Runner il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et j'ai pas été hyper, hyper, hyper emballée. Alors, probablement qu'il a mal vieilli. Tu l'avais déjà vu avant? Jamais. Première fois. Première fois, il y a quelques mois. Premier contact avec Blade Runner, donc. Voilà. Oh, joli. Oh. Bravo. Et donc, Premier Contact, alors ça va être... Alors, je vais monopoliser la parole sur ce coup-là. Pardon. Vas-y. J'ai mis... En fait, voilà, je m'étais pris des notes pour une fois que j'avais préparé un truc, donc je tiens à le dire. En fait, il faut déjà savoir qu'en termes de notes moyennes presse spectateur, il bat Rogue One largement. Donc ça, il faut quand même le savoir. Et deuxième chose, on voit en... actrice principale, Amy Adams, que j'adore et qu'on ne voit pas assez dans les premiers rôles. Donc ça, c'est la deuxième chose. Pour la petite parenthèse, Forest Whitaker joue dans les deux films. C'est vrai. Rogue One et Premier Contact. Mais surtout, Premier Contact, ça fait partie de ces films que quand ça termine, on se dit « Merde, il faudrait que je le revoie ». Donc c'est toujours les films qu'il faudrait voir deux fois. Donc ça, j'aime bien, déjà. Et il faut quand même partir du principe que l'intrigue de base, elle est ultra basique. mais bah, ultra basique. La rencontre, ouais, avec c'est les extraterrestres débarquent sur la planète Terre et on contacte une linguiste pour essayer d'entrer en communication avec eux. Bonjour, aujourd'hui ce sont les langues romanes qui vont nous intéresser. Vous avez des nouvelles à partager ? 8 heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de premier contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut. Maman, qu'est-ce qui va se passer ? Je sais pas. D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde. Docteur Banks, je suis le colonel Weber. Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi. Ce sont les... Tout le monde n'est pas capable d'intégrer ce genre d'expérience. Et la dernière fois que vous avez fait quelque chose de stressant. Y compris maintenant. Il nous faut des réponses dès que possible. Ce qu'ils veulent, d'où ils viennent. Prêt ? Ouais, ça va bien se passer. C'est quoi maintenant ? Ils vont arriver. Oh mon Dieu. C'est quand même ça qui est hyper intéressant dans ce film. C'est-à-dire que on n'est pas dans. On retrouve un peu le côté de Rencontre du troisième type d'ailleurs, hein, où ils communiquent par musique interposée. Ouais. C'est-à-dire, c'est comment on va communiquer avec ces gens-là. C'est-à-dire c'est que on ne sait pas à quoi ils ressemblent, on ne sait pas comment ils parlent. Et d'ailleurs, c'est. Ce qu'ils veulent. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas les extraterrestres qui ont un langage tout de suite qui est audible, etc. Machin. Eux, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Eux, autant que nous, ne savent pas comment communiquer avec nous. Enfin, c'est pas comme s'ils avaient une intelligence supérieure entre guillemets. Et où ils allaient pouvoir s'auto-traduire dans la langue nécessaire, etc. Trop balèze, qui... Voilà, donc il y a vraiment une vraie rencontre et un vrai premier contact entre les humains et ces extraterrestres. Et ce choix de la linguiste, c'est vraiment pour le coup. Ouais. Hyper intéressant parce qu'il y a un côté presque ethnographique quoi, dans ce film qui est de la pure science-fiction. Il y a un budget monstrueux, 50 millions de dollars, visuellement c'est ouf. Et le choix de l'histoire n'est pas du tout tape à l'œil pour le coup. On est vraiment sur ce personnage-là qui maîtrise les langues au niveau mondial et qui va vraiment réfléchir comme une linguiste à comment entrer en communication avec quelqu'un. Et alors je dois dire que l'affiche du film n'était pas pour aider le film, parce que les deux personnages avec leur scaphandre là, moi je ne regarde plus les bandes annonces. C'est un choix que j'ai fait depuis quelques mois, notamment depuis l'investissement avec les montreurs d'images. Je ne regarde plus les bandes annonces parce que oui, oh pardon, c'est vrai, ah merde, non, désolé, c'est parce que c'est un lendemain de soirée, ouais. Je pris ma douche, tiens à signaler. Ah oui, c'est vrai, contrairement à d'autres. Et donc... Ça y est, ça balance. Ça y est, on y est dedans. Ça y est, on est partout là. Donc, tout ça pour dire. Ah, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Merci. Ça n'est pas très intéressant. Alors. Complètement coupé dans mon élan. Voilà, maintenant, je sais plus. Il a fait 855 000 entrées en France. Ce qui est pas fou. Oh, c'est mon Dieu, mais je pense que la communication n'était pas terrible. Ouais. Moi aussi, ouais, mais je pense qu'il je m'attendais encore à un seul sur Mars un peu à la con quand j'ai vu ça. C'est ça que je voulais dire. La date de sortie aussi. Enfin, la date de sortie qui a presque coïncidé avec celle de Rogue One. Donc là, c'était raté. Et honnêtement, l'affiche, ça m'a fait. Quand j'ai vu l'affiche, j'ai dit c'est encore comme Gravity. Ouais, voilà, un truc un peu. Et avec des scaphandres et ils regardent le ciel et on se dit qu'ils vont encore être dans l'espace avec des cosmologues. Est-ce que vous connaissiez Denis Villeneuve? Alors, oui, ouais, parce que c'est vrai que l'affiche n'était pas engageante, mais bon, de mémoire. Moi, Denis Villeneuve et Prisoners, oui, Prisoners, c'était génial. Prisoners, Sicario. Sicario, Incendies. Bon, voilà, c'est vrai que dans côté blockbuster, ça fait partie de ces gars avec. Nolan, peut-être pas tout le temps, mais ça fait partie de ces gens, perso, effectivement, que je suis dans le côté blockbuster, parce que les types, ils savaient faire un blockbuster, quoi. Ils savent écrire un film, et puis il y a de la mise en scène, quoi. Il y a vraiment des choix qui sont forts. Prisoners, il est magnifique ce film. C'est pareil, Prisoners, c'est un film que t'aurais presque envie de voir deux fois. Dès que ça se termine, t'aurais presque envie de remettre. On rembobine, on recommence parce que je suis pas sûre d'avoir tout compris. Voilà. Et Premier Contact, c'est vraiment ça. D'ailleurs, je pense qu'on va le revoir. On va essayer de bientôt. Le revoir bientôt. Bon, bientôt. Ouais. En tout cas, allez le voir s'il est encore dans les salles près de chez vous. Ou sinon, pareil. Là, je pense qu'il y est plus du tout. Il est sorti en novembre. Hein, il est sorti tard. Mais des fois, il y a des cinémas qui sont vachement en retard sur les sorties. Enfin, moi, c'est vrai, je viens de la campagne et personnellement je voyais les films 3 mois après leur date de sortie, hein, parce qu'ils ne pouvaient pas voir les films avant, donc il y a peut-être encore des gens qui auront la chance de pouvoir le voir au cinéma. en VO ou pas en VO. Là, je ne sais pas, j'ai vu que VO, j'ai pas vu VF. Donc, De toute façon, d'une manière générale, enfin, la VO... Des fois, les VO, VF sont bien faites. Oui, c'est vrai. Et il y a quand même des films où il faut vraiment voir la VO, qu'on revient comme, voilà, comme Jackie, ou comme, où vraiment le travail d'acteur sera bousillé par une VF par-dessus, où on ne pourra plus voir ce travail d'acteur au niveau de la voix, ou j'en sais rien. Bon, ce film-là... Je sais pas si la VF est mal faite ou pas. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est un blockbuster qui nous prend pas pour des cons. Et ça, ça fait quand même bien plaisir. Quoi. Voilà. Et on s'arrêtera là-dessus. Et juste, je suis en train de voir qu'il va peut-être en plus réaliser le prochain Dune. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir ça. Quoi. C'est vrai, il y a ça qui est... C'est la rumeur qui circule en ce moment, effectivement. Ouais. Après Blade Runner. Alors, moi, ça m'étonne. Encore des remakes. Ouais, déjà, un remake. Enfin, bon, ça sera un débat pour une autre fois. Est-ce qu'il faut faire des remakes? Bon, c'est vrai que. Alors, Blade Runner serait une suite, hein. Et pas un remake apparemment, mais bon, ouais. Alors qu'il fasse et Blade Runner et Dune, moi j'avoue que c'est ça me fait un peu chier, surtout que, enfin bon, Dune, ça me paraît hyper casse-gueule en plus. Mais bon, bref, un dernier mot peut-être juste pour conclure, moi, c'est que c'est adapté d'un roman dont je n'ai plus le titre, d'un auteur japonais apparemment. D'accord. En tout cas, oui. Bon, bah, ça, bon, c'est une belle information. C'est une belle information. Voilà, on est content. vous ferez les recherches chez vous, c'est une émission interactive. C'est pour mettre l'auditeur au travail. Toi aussi, mets ton wiki. Et donc, en tout cas, moi, ça m'a vraiment donné envie, vu que c'est vachement axé sur la langue et tout ça, ça m'a donné vachement envie de lire le roman qui apparemment est beaucoup plus riche, littéraire, forcément. Mmh. Et j'ai lu 2-3 trucs sur effectivement la transposition du côté la langue, le linguisme, le vocabulaire, la grammaire, comment développer une grammaire commune, etc. Et donc, je pense que l'aspect littéraire des choses, là, est, en tout cas, à l'écran, c'est hyper bien porté. Et je suis très curieux d'aller voir dans le bouquin comment c'est fait, quoi, parce que du coup, ça doit être très différent. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est tout pour Premier Contact, et c'est tout pour les blockbusters, a priori, ouais. Puisque le principe de cette émission, c'est que nous, on a envie de parler un peu plus d'art et essai, puisque personne ne le fait, en fait, ou presque pas. Donc voilà, on continue, prochain sujet. Prochain sujet, c'est les petits films qu'on a appréciés, qu'on va parler en bref. Avant de parler de ceux qui sont sortis mais qu'on a déjà vus. Je déteste parler du film juste après le film. Elle a voulu parler du film, on a parlé du film. Depuis le début, elle a jamais eu le cancer, c'est fou. Je me suis rendu compte que du coup, elle balançait la faim à ceux qui faisaient la queue. On a marché, à un moment, elle a pris mon bras. Yes. Et puis elle m'a dit qu'il n'y avait plus de métro. Je crois qu'il n'y a plus de métro. J'ai pris mon courage demain, je lui ai dit... Tu veux que je... Tu me raccompagnes au bus de nuit? C'est sur ton chemin? J'ai dit oui, j'habitais à l'opposé. Pendant qu'on marchait, je me suis dit que c'était cool, qu'il y avait un bus de nuit toutes les 45 minutes, que ça me laissait le temps de conclure. Je me suis demandé si je devais l'embrasser. Il y a mon bus, il y en a un toutes les 45 minutes. Je suis désolée, je dois le prendre. Bref, je suis allé au cinéma avec cette fille. Et donc, on va juste faire un petit point très bref sur deux films que Mathieu et Arnaud ont vus chacun, deux films différents. Séparément et deux films différents. Donc, il y a, on va commencer par Mathieu avec Tana. Oui. Et donc j'enchaîne, oui. Bah oui. Parce qu'on peut évidemment pas vous parler de tout ce qu'on a vu ces derniers jours, ces derniers mois, c'est évidemment impossible. Tana, ouais, un petit coup de cœur pour ce tout petit film. C'est une production Australie-Vanuatu, dans le Pacifique Sud. Et donc les deux réalisateurs, il y a deux réals, qui s'appellent Bentley Dean et Martin Butler. C'est sorti en novembre 2016, donc ça fait déjà un petit moment. Ça fait partie de ces petits films qui, pareil, on disait tout à l'heure, les films ils sortent pas toujours tout de suite en salle, et c'est vrai qu'on l'a eu un petit peu après, qui moi m'a beaucoup touché. En fait, déjà l'histoire, ça se passe dans une tribu, une des dernières tribus complètement retirées du monde, c'est-à-dire qu'ils connaissent pas du tout la technologie, ils sont complètement, ils sont encore à l'ère des tribus avec leurs coutumes, leurs rites de passage, etc. Donc on est vraiment dans un autre monde. C'est hyper exotique pour le coup, et donc c'est l'histoire d'un amour impossible, un genre de Roméo et Juliette dans une tribu sur une île au milieu du Pacifique qui connaît pas le monde moderne. Donc en soi ça a l'air hyper classique, et en fait alors visuellement c'est classique Ouais, pardon. Ça sent la vanille quand même. Enfin, c'est visuellement absolument magnifique. Ils ont une divinité donc qui est Tana, en fait, c'est la divinité, c'est leur volcan en fait qui est leur dieu. C'est la roche volcanique qui fait pousser les cultures. C'est lui qui se met en colère. C'est voilà, tout tourne autour de ce volcan qui est en éruption permanente en fait et sur lequel il y a des plans absolument extraordinaires. Je vais pas en dire beaucoup plus. C'est un tout petit film, je ne sais pas si vous allez arriver à le trouver, mais vraiment, si vous avez l'occasion, je vous recommande Tana de Bentley Dean et Martin Butler, une production australienne qui est vraiment super et qui a été écrite et tournée avec la tribu d'origine dans laquelle c'est passé. Donc avec des acteurs amateurs. Voilà, il y a ce côté un peu documentaire, ça part d'un travail documentaire et ils ont fait une fiction à partir d'une histoire, cette histoire d'amour impossible qui a vraiment existé dans cette tribu. Et qui a donné lieu à un drame, en gros, une tragédie, voilà, à cause des lois de cette tribu qui ont évolué suite à cette histoire. Voilà, c'est très très beau, je vous recommande Tana. Très bien vendu, je vous félicite. Bravo Mathieu. Et Arnaud, vous voulez enchaîner. Elle donne des notes maintenant. Voilà, non mais c'est bien, non mais assez bref et bien vendu. Et Arnaud voulait nous faire une petite parenthèse rapide là aussi, je précise bien rapide. Très rapide. Sur Manchester by the Sea. Oui, Manchester by the Sea, qui est sorti donc en fin d'année, en décembre 2016, qui pour moi a été, en fait, ça m'a donné l'impression de prendre un bus dans la gueule, quoi. C'est vraiment... Après Patterson, c'est complètement différent. Alors, c'est un drame, mais c'est pas une histoire sur laquelle on met des drames pour faire pleurer dans les chaumières et tout. Là, c'est vraiment un drame qu'on raconte, et le film, il est juste, en fait. Il n'y a pas de surplus. Ça en fait pas des caisses. C'est vraiment voilà, c'est une histoire. L'histoire, ouais, en très bref. Peut-être. Ouais, très bref. En fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui revient dans sa ville d'origine parce que son frère vient de décéder et il apprend qu'il est le tuteur de son neveu qui a 16 ans et ce jusqu'à l'âge de ses 18 ans et on comprend pourquoi il a décidé de quitter cette ville parce que il y a eu un moment dans sa vie, un moment fatidique qui a fait que sa vie a basculé et voilà quoi. Donc pour lui en fait sa vie est chaotique au possible. Quoi, il a une chaotique. Vie de merde, on peut le dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ce mec a été brisé par la vie, en fait. Et c'est joué par Casey Affleck, qui le joue divinement bien. Qui est meilleur que son frère. Qui est largement meilleur que son frère. Oh, vous qui joue bien le mec, il est vidé en fait. Ce type a plus rien à donner, il est vidé. Et vraiment, ce film est juste et vraiment très très beau. Pour moi, l'Oscar, il le mérite largement parce que vraiment, tellement qu'il le joue bien. Si vous aimez vraiment les tranches de vie, les choses comme ça, un beau drame, des scènes, mais à vous retourner les boyaux, c'est vraiment un film à aller voir, quoi. Voilà. Okay. D'accord, merci Arnaud. Alors, on va repréciser les références. Donc, c'est Kenneth Lonergan, le réalisateur. Oui, pardon, tu l'as pas vrai. Dit en fait. C'est vrai, c'est une chose un que film j'ai pas dit. Américain, pas donc voilà. Ils font aussi des fois des petits films indés qui sont très sympas. Je me suis un peu lâché, mais vraiment. Et tu es salué par la critique. Un film poignant et en tout cas réaliste dans l'idée, c'est ça que exactement tu veux dire. Exactement ça. Voilà. Ouais. On a reformulé, on a traduit le Arnaud. Mais avec beaucoup, énormément de force en tout cas. Et vraiment, voilà. À voir, j'en dis pas plus, mais à voir. Manchester by the Sea, recommandé par Arnaud. Ouais. Yes. Allez, on passe à la suite. Gentlemen, welcome to Fight Cine Club. Et maintenant, on passe à Jamais Contente d'Émilie Deleuze, qu'on a pu voir là aussi au Festival de Doche. Et c'est Mélanie qui va commencer à nous en parler. Alors, précision que ce film n'est pas encore sorti. Là, on attaque sur les sorties prochaines de février et mars 2017. Sorte-moi le... Ouais. Voilà, donc ce film n'est pas encore sur vos écrans, ou l'est depuis très peu de temps, en tout cas. Alors, je commence... je ne sais pas si c'était une bonne idée que ce soit moi qui commence, parce que je n'ai pas été très très emballée par ce film, et je sais que je ne suis pas d'accord avec vous. On va essayer de résumer... il y aura un extrait de la bande-annonce... maintenant. Là, parce que là, on va pas le mettre tout de suite, mais on va dire qu'on le mettra là. Voilà. L'avantage quand on redouble, c'est qu'on sait déjà que ça va mal se passer. On va commencer avec l'incontournable Princesse de Clèves. Déjà, la princesse, elle tombe amoureuse d'un mec hyper beau, hyper riche. À qui est-ce qu'elle va demander conseil ? À sa mère ! Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu sois comme ça ? Elle est chiante, hein ? Il n'est plus rien, elle est comme ça. Il faudrait que tu sois plus gentille avec maman. Mais je suis gentille. Je la conduirai dans la forêt. T'en fais pas. Elle trouvera ses petits cailloux. C'est ça le problème, elle trouvera ses cailloux et va revenir. On cherche une chanteuse. J'ai pensé à toi. Moi ? Je suis nulle. Moi, je te trouve formidable. Tout ce qu'on te demande, c'est de chanter. Pour pouvoir les chanter, faudra que je les sente, les paroles. Tu ressembles à rien, t'as plus d'amis. Moi, j'en veux pas d'une vie comme ça. Je devrais vivre dans une boîte, en haut, au fond du placard. On me sortirait une fois par an, pour Halloween. Au concert, on a une date arrêtée finalement. Je vais me suicider et je reviens. On t'attend pas, du coup. Et donc, je reviens après cette petite interlude. Bon, c'est une comédie française sympatoche. D'Émilie Deleuze. Voilà, d'Émilie Deleuze, on l'avait déjà dit, je crois. Alors, je vais essayer d'être gentille, déjà. Ça parle d'une adolescente rebelle, comme il y en a plein partout. C'est pas, voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est pas, comme diraient certains, misérabiliste. Il faut savoir que Mélanie a un problème avec les adolescentes rebelles, en général. C'est pas faux, c'est pas Suivez faux. Suivez mon regard. C'était une private joke, désolé. Tout ça pour dire, voilà, ce qui est bien quand même sur ce film, c'est que justement, ça parle d'une ado rebelle et pénible, comme il y en a plein, sans qu'elle ait, je sais pas, qu'elle soit issue d'une famille monoparentale, ou de parents divorcés, ou elle aurait perdu un frère ou une sœur dans Parce un accident. Parce qu'elle a une famille tout à fait banale, en fait. Elle est issue d'une famille, elle est dans une famille totalement normale et elle a le blues, elle est pénible, elle essaye d'être rebelle, elle est un peu mal dans sa peau. Elle a 13 ans, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Après, d'un point de vue cinématographique, je trouve que ce film n'apporte pas grand-chose à l'histoire du cinéma. Oui, ah oui, c'est pas 2001, ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà, suis un peu fait chier devant, je vais être très honnête. Alors peut-être que le contexte aussi, faut rappeler, hein, Festival d'Auch au mois d'octobre, 15 films en 2 jours et demi. Ah, c'était sur la fin. 22 heures, je crois. Voilà, ça n'a peut-être pas aidé à ce que j'apprécie vraiment. Mais je l'aurais vu sur M6 un dimanche soir dans mon peignoir à manger de la guenda, ça m'aurait fait le même effet. C'est-à-dire que je suis pas transcendée. Bon. J'ai pas vraiment d'argument, mais bon. Voilà. C'est gratuit. C'est cadeau. Bon, en même temps, c'est bien parce que cette émission s'appelle quand même Fight Ciné Club et il n'y a toujours pas eu de baston. Il n'y a toujours pas de fight. Donc, round one. Voilà. Alors, je vous écoute. Are you okay? Bon. Je m'y lance. Je suis pas d'accord, effectivement. Je trouve que pour le coup, on a une comédie française qui sort un peu de l'ordinaire, notamment au niveau de l'écriture. Alors c'est vrai que la réalisation, ouais, en même temps, une comédie, c'est toujours, tu peux pas non plus créer une mise en scène particulièrement exceptionnelle sur une comédie ou une réalisation. Tu pourrais, mais là c'est pas le cas. Mais y a rien de spécial. Mais en tout cas, l'écriture, elle est très très bien. La fille, elle va au bout en fait, quoi. Et elle est vraiment énervante. Elle est vraiment la comédienne est très bonne. Oui. Elle joue bien. Enfin, elle est à la fois attachante et t'as envie de la baffer, quoi. Donc, complètement. L'ado de 13 ans, quoi. Complètement. Et voilà, on sent qu'ils se sont pas, arrêtés au niveau de l'écriture. Ils se sont pas arrêtés en se disant, bon, est-ce que là on va trop loin ou quoi. Ils y sont allés, quoi. Et là, ça fait plaisir d'avoir une comédie un petit peu qui sort de l'ordinaire, qui est pas édulcorée, qui est Ça va. Tu trouves que ils se sont dit, ouais, on a pas de limite, ça, on peut dégager. Je trouve. Moi, je trouve que la gamine. Quand même, dans d'accord. ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait, c'est quand même. Elle est dans l'excessivité et l'excessivité. Voilà. Nous te laissons la responsabilité de. En 8 lettres, excessivité. Voilà, donc c'était très approximatif. Jean-Michel à peu près. Mais ouais, donc je l'ai senti excessif et excessif. Oh là là, faut que je change de mot, ça va pas le faire. Mais ça marche bien. Ouais, ouais. Bon, ils vont pas non plus. Enfin, c'est pas non plus hyper, comment dire, excessif. Il y a rien de trash. Il y a rien de trash dans ce film. Trash. Mais par contre, dans les paroles, elle est violente quand même, cette gamine. Oh, quoi. C'est une ado qui ouais, dit c'est merde, une ado, quoi. Oui, oui, oui c'est bah, ça. Ouais. Oui. Ouais. Mais bon, là, non, il y aurait eu du trash si elle avait sombré dans la drogue ou la prostitution, d'accord. Bah, ouais, oui, mais ça, c'est vu et revu. Non, mais voilà, c'est ça, quoi. Ouais. Là, c'est classique, quoi. Bon, là, bref, c'est bien, il y a de la baston dans cette émission, ouais. Ça nous manquait. Mais il y a une violence verbale, en tout cas, que je retrouve pas dans les autres films. C'est vrai que la relation avec la mère, des fois, avec la mère, elle est dure, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Elle est dure avec sa mère. Dont on parlera peut-être de la comédienne aussi qui joue la mère tout à l'heure. Moi, je trouve qu'elle joue pas très bien, d'ailleurs, la mère, pardon. Ah, non. Ah, mais on va être d'accord sur rien. Je la trouve inexpressive, elle a pas l'air du tout d'être en galère. On voit qu'elle est perdue parce qu'elle sait pas comment parler à sa fille, bah ça oui. Je reconnais, mais bah je la trouve. Oh, je sais pas, cette actrice, moi, elle me met mal à l'aise. J'ai l'impression qu'elle a bouffé 10 paquets de Prozac avant de. Hein, bah c'est peut-être ça qui m'a dérangé. Bah ouais, c'est pas comment, elle sait plus comment faire avec cette gamine. En plus, elle essaye, quoi, ils essayent tout avec elle. Elle joue tellement bien la dépressive que tu te demandes si elle joue ou si elle est vraiment dépressive, cette actrice, quoi. Tellement. Et cette gamine, en fait, elle a rien pour être comme ça, mais elle est comme ça, et sa mère, elle sait pas comment le gérer. Et moi, je trouve que ça c'est bien transmis, en fait. Ouais. Moi, le plus, alors, je trouve pas que ça soit non plus hyper trashos ou excessif ou quoi, mais par contre, pour une comédie française. C'était quoi ce petit Il y a du rythme et les dialogues sont bien écrits. Voilà, moi, j'ai trouvé que c'était bien écrit, qu'il y avait du rythme. Une énergie, ouais. Ouais, il y a une bonne énergie, un peu. Ouais, voilà, il y a une bonne énergie. Et au niveau du casting, moi, la mère, pour le coup, moi, j'ai bien aimé, voilà, bon bah on n'est pas d'accord comme ça, et j'ai bien aimé Alex Lutz aussi, oui. Ouais. Qui joue le professeur. Je me rappelais même pas qui jouait dedans, ah bah ouais. Ah, ce film m'a vraiment pas marqué. Ah bah il joue le professeur. Là. Le professeur de lettres, alors bon après, soyons clairs. Il fait du Alex Lutz. Il fait du Alex Lutz, ouais c'est vrai, et puis bon, le côté comment dire, transmission entre le prof de lettres et son élève, alors ça c'est pareil, hein, c'est déjà vu, hein, soyons clairs, mais bah, c'est un teen movie hein, de toute façon, donc il y a tous les codes du teen movie, mais justement, c'est-à-dire que pour un film qui a priori est sans surprise où tu retrouves un peu tous les codes du teen movie, etc. Heureusement qu'il voilà, y a du rythme et il y a des dialogues qui sont bien écrits. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, on est d'accord que tu l'as déjà vu 10 fois. D'ailleurs, dans le même genre, alors là, je fais une grosse digression, mais on a vu comment il s'appelait ce film irlandais, là, tu sais, la comédie musicale. Oh, ah oui, Sing Street. Sing Street, je te remercie d'avoir retrouvé ça. Alors là, je dis bravo. bravo. effectivement, ouais, qu'on a vu quelques temps avant, hein, quelques semaines avant. Qui est le même film en fait, enfin le teen movie avec le type qui joue dans un groupe, parce qu'elle a ça aussi, elle joue dans un groupe à un moment pour donné séduire un pour séduire un des membres du groupe. Non mais voilà, il y a vraiment tous les codes du teen movie. Parallèle tout à fait pertinent. Mais ouais, si tu veux comparer les deux, enfin moi il y en a un que je vais défoncer, voilà, hein, ah, Sing Street, n'allez pas voir ce pas film. Et qui c'est une autre. Et là je suis d'accord, n'allez pas voir ce film. Et alors que voilà, je trouve que le film d'Émilie Deleuze, voilà, il est. Oui, je vais pas, enfin perso, je vais pas jusqu'à dire allez pas voir cette merde, parce que c'est pas le cas, c'est les pas une merde. C'est une comédie, hein, c'est une comédie sympathique, comme génial, mes parents divorcent ou un truc dans le genre. Oh là, tu as ressorti un truc du placard. Il avait la poussière. Ça sort tellement du placard que je ne sais même pas ce que c'est. Donc, je n'ai pas la référence. Pour revoir tes classiques. Ok, très bien. Allez. Et ben sur ce, je vais revoir mes classiques et on va parler d'un autre film. Elle me dit que je pleure tout le temps, que je suis comme un tout petit enfant qui aime plus ses jeux, sa vie, sa maman. Elle dit que je pleure tout le temps, que je suis carrément méchant, jamais content. Welcome to Fight Cine Club. Quoi ? Je peux te poser une question. Tu crois que le diable existe ? Pourquoi tu demandes ça ? Tu crois que je l'ai vu ? Ta mère m'a dit que tu vas voir ton père pendant les vacances. Vous allez le voir en Suède avec ton frère, si j'ai bien compris. Tu es contente de le voir ? Tu dors pas ? Toi non plus, tu dors pas. Je dors jamais. Si vous pouviez avoir ce que vous voulez, n'importe quoi, qu'est-ce que vous demanderiez ? Tu m'as appelé maman ? Non. Pourquoi ? Où est ton frère ? Tu peux pas le garder ici. Vous partirez quand je le déciderai. Tu l'as revu ? Celui qui t'appelle le diable ? Papa est pas rentré. C'est la dernière fois que tu le vois. tu vois des choses. Alors on continue avec un coup de cœur apparemment. Oui. Un coup de cœur pour le film Dans la forêt, dont vous allez me rappeler le réalisateur. De Gilles Marchand. Voilà, merci. Parce que c'est pas du tout écrit sur ma feuille anti-sèche. Ah bah voilà, parce qu'il y a des gens qui ont des anti-sèches dans cette voilà, émission. Voilà. Il n'y a que ça quand il y en a partout. il n'y a que des anti-sèches. J'espère que personne du studio va venir voir dans l'état où on a mis la pièce pour l'instant. Bon, bref. Et oui, bref. Comment dire ? Donc un coup de cœur pour ce film que vous avez vu encore une fois en festival, toujours oui, le même, notre festival préféré. Voilà, ouais. Le festival d'Auch, toujours pareil, effectivement. Du coup, je continue. Ah bah oui. Donc, Dans la forêt, qui est un film, on va dire, d'horreur. Je sais pas si c'est un film de genre. Ouais. Un film de genre, moi j'ai un peu du mal avec cette définition parce que je sais pas ce qu'on met dans film de genre à part des films d'horreur, perso. Donc, ça, c'est un débat qu'on aura une autre fois. En tout cas, c'est un film qui fait bien flipper. J'ai sursauté un paquet de fois devant ce film. Il y a du jumpscare. Il y a donc du jumpscare, mais pas du jumpscare gratuit. Quoi. Gratuit, ouais. Avec tu sursautes parce que la musique d'un seul coup passe du son 1 à 25. pas du tout, c'est hyper angoissant. Je crois qu'il est très silencieux ce film en plus. J'ai pas souvenir d'une musique particulière. Ouais, enfin, ça joue vraiment sur le côté angoissant de ce qui se passe, tout simplement. Le pitch. Comment expliquer l'histoire ? Tu veux que je fasse ? Allez. Vas-y. Ça se passe en Suède. Ça se passe en Suède, au pays des Volvo. Et c'est un film français quand même. C'est un film français, effectivement. L'acteur principal, c'est Jérémy El-Kaïm qui joue divinement bien. Donc, c'est ces deux gamins en fait, qui rejoignent leur père. Bim ! Le peigne, c'est cet accessoire capillaire qu'on connaît toutes mais qu'on a du mal à fixer et à bien faire tenir dans les cheveux. C'est un lendemain de soirée, ça, surtout. Je tiens à préciser quand même qu'Arnaud n'a pas bu d'alcool aujourd'hui, a priori. Il n'y a pas besoin pour ça. T'es défoncé ou pas ? Non, sergent chef ! Tu es en train de me mentir encore ? Non, sergent chef ! Dis-moi encore non. T'es défoncé ? Oui, sergent chef ! ils rejoignent leur père, donc. Leur père, oui, avec leur peigne. donc, ils rejoignent leur père en Suède, donc pour les vacances, et leur père les emmène dans la forêt, dans le nord du pays, dans une petite cabane complètement isolée, au bord d'un lac. Et petit à petit, ben voilà, leur père a un comportement de plus en plus bizarre. Voilà. Enfin, dès le début, hein. Enfin, toujours est-il que c'est angoissant dès l'arrivée en Suède. C'est crescendo en fait. Il nous emmène, ce film nous emmène tranquillement et ça devient de plus en plus. On se dit, putain, mais il y a quelque chose qui va pas quoi. Dans le comportement du père et tout, il devient de plus en plus étrange. Les enfants aussi. Donc voilà, ça nous emmène tranquillement et puis après. Bon, pas tranquillement, pas tant que ça, hein, parce que quand même c'est flippant. Donc on est quand même pas hyper tranquille. Mais voilà, il n'y a pas des jumpscares toutes les 5 minutes, c'est un truc qui nous emmène et qui en même temps on se dit il y a quelque chose qui un truc qui monte, sourd comme ça en arrière-plan, voilà. Et puis ça finit par... Je suis pas sûre d'avoir complètement compris, ça fait partie de ces films qu'il faudrait revoir une deuxième fois là aussi, et c'est un film français qui arrive à nous faire peur sans être ridicule, ce qui est plutôt rare. Voilà, il n'y a pas beaucoup de films français aussi efficaces, en tout cas dans ce type de film là, et rien que pour ça, ça méritait qu'on en parle. Alors on va pas trop, je pense, en parler plus dans l'idée, c'est de c'est difficile de pas spoiler. C'est sinon, ça, voilà. C'est difficile d'en parler sans spoiler. C'est vrai que le pitch dit comme ça, l'impression de l'avoir vu 100 000 fois. C'est quoi, ça, mais bon, il y a de petites choses. Enfin, L'atmosphère est très bonne. Le gamin, alors il a deux fils, mais en fait l'histoire quand même tourne surtout autour du plus jeune qui aurait, enfin on sait pas trop, qui aurait comme des visions, ou alors on sait pas si le gamin... Il a le shining, quoi. Et justement, on a regardé un interview justement de Jérémy El-Kaïm, ou justement le quotidien avec Yann Barthès, là, où justement il faisait le parallèle où le gamin rappelle beaucoup le gamin de Shining. D'accord. Et il disait que c'était pas volontaire, mais qu'effectivement, après coup, il y a ce côté-là. Il y a cette ambiance-là. Forcément, un peu des visions, et puis c'est un peu bizarre. Et puis, son père qui a l'air un peu de plus en plus étrange, ça fait quand même Shining. C'est ça. Et ben il y a une ambiance très comme ça en fait, exactement, c'est ça. Et mais en fait ça ne va pas du tout dans le même délire que Shining, par contre. D'accord. Enfin, voilà. Donc, bon, c'est l'atmosphère, mais au niveau de la mise en scène, il y a des choses particulières. Si, il y a des façons de filmer, justement, qui sont assez novatrices, je pense. Alors, il y a des façons de faire peur classiques. Je regarde dans le miroir, je me retourne, je regarde dans le miroir et ah ! Voilà, ça pourrait être des choses comme ça. Il y a des plans un peu faciles comme ça. D'accord. Mais il y en a d'autres qui n'ont absolument. Enfin, qui seraient entre guillemets du jamais vu. Après, j'ai pas une grande culture cinématographique où j'aurais la prétention de dire que ça n'a jamais été fait. Mais en tout cas, il y a quand même des manières de faire flipper qui sont, je trouvais en plus pour justement dans une filmographie française comme ça. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal du tout, surtout que j'allais le voir sans trop avoir compris que ça allait être un film aussi flippant. Mmh. Oui, tu savais pas ce que t'allais voir. Ouais. Exactement. Je m'attendais pas à un truc aussi flippant. Ça avait l'air d'être un thriller, un petit peu avec du suspense, mais c'est pas du tout ça. Enfin, alors, j'avoue que techniquement, moi, j'avais pas vu grand-chose parce que je me suis fait embarquer par le film. Donc, finalement, j'ai pas fait gaffe à... C'est pas dans l'analyse. J'ai pas été dans l'analyse sur ce film et finalement, c'est quand même significatif d'un film qui marche bien. Il y a un décor assez, c'est presque un huis clos en fait, parce que il y a le début où ils prennent l'avion, ils partent de chez leur maman pour aller en Suède, blablabla. Mais très vite, c'est le huis clos dans cette cabane et l'entourage de la cabane, c'est-à-dire vaguement la forêt et puis le lac, mais ça reste là-dessus quoi. Et en fait, plus ça va, plus on s'enfonce dans quelque chose où finalement, on finit par plus comprendre ce qu'on est en train de regarder. Et du coup, on est hyper perdu, hyper angoissé. Mmh. Et puis, sans spoiler, vraiment, ça mérite d'être vu pour jusqu'où ça nous emmène. Voilà. Et ce qui est très intelligent aussi au niveau de l'écriture, c'est qu'il y a deux gamins. Il y en a un qui suit son père un peu sans chercher, et l'autre qui se méfie de lui en fait. Et c'est vrai qu'on saute de l'un à l'autre, on sait jamais trop de quel côté il faut être. Donc ça oblige le spectateur à choisir un peu son camp. Ouais, mais on est jamais ou l'un ou l'autre en fait, on est un coup l'un, un coup l'autre. Donc même c'est vrai à que un c'est moment, on est du c'est côté assez du fait père au niveau et où on se dit ces gosses, c'est vraiment des gros cons. C'est et un verre voilà, ouais. Exactement, enfin bref. Voilà, on va pas en dire plus, mais allez-y. Mais si vous aimez les films d'horreur, tu aimes les films d'horreur, voilà. Quel est ton film d'horreur préféré? Si vous aimez ça, allez-y, vous faites plaisir. Ça sort le 15 février et c'est la recommandation. Mélanie et Arnaud. Voilà. Allô? Tu veux jouer avec moi? Qui est-ce? Dis-moi ton nom et je te dirai le mien. C'est ça, puis quoi encore? C'est quoi ce bruit? Oups, j'ai pété, je croyais que ça s'entendrait pas. Non, ces trucs qui éclatent. Oh, je fais du pop-corn et j'allais me passer une vidéo. Oh, c'est quoi? C'est juste un film d'horreur. Tu aimes les films d'horreur? Quel est ton préféré? J'en sais rien. Réfléchis. Oh, je sais, Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny. C'est pas un film d'horreur. T'as pas vu jouer Michael Jordan? Et alors, Fight Ciné Club, ça continue et c'est le retour de la baston. On va parler de Fukushima, mon amour, de Dory, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que c'est un nom et un prénom qui se répètent tout le temps, qu'on ne sait plus lequel est lequel. Dory, donc. Tu vas, j'y vais? Allez, commence. Moi, je commence. Bon. Ils sont mignons, ils veulent pas se taper dessus. Oui, on est mignons. Sinon, je commence si t'es pas prêt. Vas-y, je suis pas prêt. Oui, je sens que t'es pas prêt. Vous ne voyez pas, mais il se frotte le front, genre en mode. Alors, qu'est-ce que je voulais comment dire? Comment on commence? Comment je vais me alors, dépatouiller de cette baston? Je crois qu'on pourrait dire que l'un et l'autre, on a bien aimé le film, mais on a absolument pas la même lecture du film. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça en fait, ce qui s'est passé. L'incident. Alors, Fukushima, mon amour, donc comme son nom l'indique, c'est un film allemand, n'est-ce pas? Alors, Fukushima. Voilà, merci pour la traduction, magnifique. Comment expliquer l'histoire rapidement? C'est une nana qui s'appelle Marie. Oui, c'est même plus son prénom. Voilà. Marie, voilà, à qui il arrive une sorte de drame. Alors, on s'épanche pas sur son drame à elle. Très vite, on comprend qu'en gros, elle devait se marier puis elle se marie pas. Bon, voilà, bref. Elle en est même très, très, très mal jusqu'à envisager une tentative de suicide. Je spoil pas parce que c'est genre les 5 premières minutes du film. Et puis, comme ça peut arriver à beaucoup de gens qui vivent un drame, elle fuit. Et donc, elle part très, très loin puisqu'elle va jusqu'à Fukushima, au Japon. Et elle est clown de profession, cette dame, cette nana. Et en fait, elle se fait embaucher pour faire partie d'une espèce de troupe improbable de clowns, artistes, un peu multifonctions, qui partent dans un village, je crois que c'est Fukushima même, ou un village juste à côté du drame de Fukushima, où il ne reste plus que des vieux. Et en gros, c'est les vieux attachés au sol, qui sont attachés à ce lieu-là et qui peuvent pas, pour des raisons techniques déjà, mais qui ne veulent pas partir aussi parce qu'ils ont toujours vécu là et qu'ils veulent pas partir. Et en fait, elle se retrouve à arriver dans cette espèce de maison de retraite. C'est pas une maison de retraite, mais ça fait ambiance maison de retraite parce que du coup, ils sont tous parqués dans des préfabriqués parce qu'ils peuvent plus habiter dans leur maison. Et en fait, elle arrive et elle est censée aller égayer leur journée, animer et essayer de redonner de la joie à ces pauvres gens qui ont eu eux aussi un énorme drame puisqu'on est quelques mois après la catastrophe de Fukushima. I want to help. Can I help you? Uchi ni kaette mitara nani mo kamo nakunatteta. もしそうなったらあなたはどうするでしょう。 You were a geisha? I am a geisha. The last one here. Et voilà, et donc je sais qu'Arnaud a un point de vue différent. Alors là, j'ai juste fait le pitch là-dessus, je pense qu'on est d'accord, c'est sur la manière d'interpréter comment le film se développe. Alors on va essayer de pas spoiler, ça va être difficile, mais tout ça pour dire que pour moi, Fukushima c'est juste un prétexte, je vais peut-être même être un peu mauvaise, c'est une manière de vendre le film qui me semble un petit peu abusée, parce que pour moi, ce film aurait pu être tourné dans n'importe quel autre contexte, ça n'aurait rien enlevé au contenu de l'histoire qui en fait démarre au moment où elle se rend compte que c'est complètement absurde ce qu'elle est en train de faire et qu'elle est tellement malheureuse que comment elle peut faire rire les gens, enfin c'est vraiment l'image du clown triste hein, cette nana. L'actrice joue extrêmement bien, les deux actrices, parce qu'en fait ça va finir par être l'histoire de deux femmes, il y a une rencontre avec Satomi et pour moi cette rencontre là, alors ce qui est bien c'est que c'est pour une fois deux femmes avec un peu l'idée du maître et du Jedi hein, pour faire une référence à la con, franchement c'est un peu ça et c'est plutôt sympa parce que c'est une histoire de femmes avec chacune leur histoire, leur background comme on dit, absolument atroce, l'une parce qu'elle a vécu Fukushima, l'autre alors qui paraît un peu plus rigolote avec son histoire de mariage raté, qui paraît un peu plus moins grave, on va dire, je sais pas comme ça, voilà. Et je trouve que Fukushima, je comprends pas, enfin l'histoire de Fukushima pour moi elle est complètement un prétexte pour en fait. T'es déconnecté, tu trouves de. Bah ouais, moi je pense que ça aurait pu, ouais, ça aurait. De ces deux femmes, quoi. Oui, enfin disons que cette histoire aurait pu avoir lieu dans n'importe quel autre décor, dans n'importe quel autre contexte dramatique. Peu importe lequel, ça aurait pu être Katrina, mon amour, après le dragon Katrina la Nouvelle-Orléans. Enfin voilà, pour moi, Fukushima, c'est. Peut-être. Voilà, je m'attendais pas à ça pour le coup, et j'ai été plutôt agréablement surprise parce que j'avais un petit peu peur, mais du coup, tant mieux peut-être, que ce soit un documentaire un peu. Suicidophile, suicidogène, je sais pas comment dire. Ce mot ne veut rien dire, mais vous avez compris ce que je veux dire. Bon, alors, voilà. Mais c'est une fiction. C'est une fiction. C'est une fiction, ouais, totalement. Ouais. Qui prend le décor de Fukushima. Mais c'est là où on est. Ouais, moi, j'ai vraiment du mal avec ce format, en fait. On est, pour moi, en tout cas, peut-être que d'autres n'ont pas cette lecture-là, et je le comprends tout à fait, mais en tout cas, pour moi, on est entre le documentaire et la fiction, en fait. Et il y a une part documentaire, un peu, parce qu'on a des images, on a l'impression d'être dans un documentaire, on voit des images de Fukushima et des choses qui sont intéressantes, et qui m'ont donné envie d'en savoir plus, en fait, finalement. Et finalement, on s'arrête à ce moment-là pour repasser à la fiction. Et on est toujours un petit peu entre les deux. On est toujours un petit peu entre les deux, et rien n'est gratté, en fait, finalement. On en reste en surface vis-à-vis du documentaire, et en surface vis-à-vis de la fiction, puisqu'on gratte pas non plus l'histoire de cette femme qui veut retrouver un goût à la vie. En fait, c'est ça, une histoire basique dont on se fout, quoi. Moi, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des trucs sur Fukushima, parce que c'était ce qui m'avait donné, ce qui m'avait accroché un petit peu. Là, et moi, à l'inverse, j'avais peur, en voyant Fukushima Mon Amour, de me retrouver sur un film qui va parler du drame de Fukushima et qui allait être absolument insupportable à regarder. Ce qui est quand même magnifique, c'est que vous avez vu deux films différents, quoi. Ouais, carrément. C'est vraiment fou. Il y a deux parties en même temps, et Arnaud a retenu finalement la première, alors que moi, la première m'a foutu les glandes et je commençais à me dire, aïe, si c'est ça tout le long, moi je vais me barrer, en gros. Ouais. Et finalement, c'est à tourner sur une histoire de femme, et c'est pas étonnant, on en discutait avec d'autres personnes au montreur, toutes les femmes ont eu la même lecture c'est que moi. C'est ce que j'allais dire, voilà. C'est amusant, visiblement, il y a différence homme-femme qui se fait dans la lecture de ce film. Ce film parle peut-être plus aux femmes qu'aux hommes, peut-être. Voilà, c'est fait par une femme, donc bon. Bon, je l'entends, c'est avec des femmes et fait par une femme. Donc, je vais pas me battre pour ça. mais non, il n'y a pas de baston. Il n'y a pas de baston. Merde. Mais j'ai quand même coincé là-dessus. Après, c'est en noir et blanc, donc c'est quand même assez... Voilà, je n'ai pas parlé de l'esthétique du film. C'est assez esthétique, c'est quand même noir et blanc. Là, il y a une très très belle photo et lumière. Les plans sont plutôt riches. T'as pas trouvé? J'étais en train de me demander ce que c'était. Une espèce de mou là. J'étais en train de me poser la question de ce que j'avais pensé de tout ça, et en fait, un peu comme tout à l'heure, je suis plus sûre quel film t'avais dit ça, j'ai pas fait attention à ça du tout. Voilà. Ouais, bon. J'ai été par contre assez frappée dans le bon sens par le jeu d'actrice des deux héroïnes. J'avoue que les films en allemand, alors c'est en allemand, en anglais, parfois en japonais, il y a un peu, c'est un peu un film polyglotte, hein, la évidemment. Pure VO. Voilà, pure VO. Oui, bah oui, vu en VO, bien sûr. Voilà, moi je pense que c'est un film qu'il faut voir. Alors, je vais vous étonner, j'ai pleuré. Mais c'est pas un film. Ça coûte cher en Kleenex. Voilà. C'est pas un film qui plombe. Contrairement au titre qui pourrait Fukushima pas... Mon Amour, c'est pour parler de cette japonaise qui veut pas quitter Fukushima, quoi. Voilà. Ah oui, tu vas pas avoir des enfants hybrides ou des trucs comme ça qui vont te faire pleurer, quoi. C'est pas La Supplication, pour ceux qui auraient vu La Supplication. Sur le drame de Tchernobyl, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, ouais. Donc voilà, moi ça m'a vraiment laissé sur ma faim. C'est un mélange documentaire-fiction, et la partie documentaire m'a laissé sur ma faim, et la fiction je m'en suis un peu tapé. Ouais. Ouais. Après on peut être, enfin sur l'histoire en elle-même, la rencontre entre les deux femmes elle est intéressante. En revanche il y a un déséquilibre énorme entre le drame vécu par l'une et le drame vécu par l'autre qui part. Enfin. Voilà, après, c'est aussi une manière de dire que tout est une question de subjectivité. Hein. On peut avoir vécu quelque chose en apparence de moins grave, mais le vivre tout aussi mal. Bon, ça, après, ça suscite le débat. Voilà, et on peut s'arrêter là-dessus, peut-être. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, moi, ça m'a donné envie de le voir, donc, puisque je ne l'ai pas vu. Et le cinéma allemand est très mal distribué en France, il faut le dire. Et celui-là, il est arrivé sur nos écrans, et bon, ça m'a mérité quand même le coup. De... Ouais, oui, l'actrice mérite... L'actrice joue très bien, ouais. Les deux, d'ailleurs. Les deux, oui. La japonaise l'actrice allemande, joue, du coup, puisqu'on parle du cinéma hyper allemand. Hyper bien, ouais. L'actrice est très, très douée. Dont je n'ai plus le nom, et puis ça doit être imprononçable de toute façon. Donc, tout cas, ça s'appelle Fukushima, Mon Amour. Il y a un éclairage sur cette actrice à des moments, il y a vraiment des belles photographies, ouais. C'est sympa. Je crois que c'est Rosalie Thomas. C'est un nom allemand, ça ? Bah ouais. Non. Ah, bon. Bah Thomas ? Ouais, Rosalie Thomas. Rosalie. Sa mère était fan de Carlos. Oh, merde. Bon, faut vraiment s'arrêter là. Voilà, allez, on s'arrête là pour merci beaucoup, et on va aller voir Fukushima, Mon Amour. Che cos'è un eroe? È un individuo dotato di grande talento e straordinario coraggio? Che sa scegliere il bene al posto del male? Che sacrifica se stesso per salvare gli altri? La verità è un'altra. C'è troppo... Alors, on enchaîne du coup avec un film qu'on a, je crois, tous les trois adoré, on va le dire d'emblée, Jig Robot. Putain, on va jamais s'engueuler, quoi. Alors, Jig Robot, qu'on a vu également, on va être pas très original, au Festival d'Auch, qui est un film italien, alors de Gabriele Menetti, qui sortira dans assez longtemps, puisqu'apparemment la date a été repoussée. Donc, pour l'instant, c'est mai 2017. Plusieurs fois. Mais peut-être que ça aura encore changé d'ici qu'on diffuse le podcast. Toujours est-il que ce film, on le plussoit. Voilà, on l'adore. Et on va dire pourquoi. Mathieu, t'as pas trop parlé, vas-y. Tu veux, ah oui, mais je pensais que quelqu'un allait prendre la suite. Non, oui, mais en fait, non, pardon, j'ai rien suivi du tout de ce qu'on est en train de dire. Tout simplement parce que j'essayais de faire signe de parler devant le micro. Ah, pardon. Parce que tu étais un tout petit peu à côté. Mais c'est pas grave, on t'a entendu quand même. On t'a entendu quand même. Bref, du coup, j'étais totalement déconcentré et j'ai totalement raté le lancement. On disait juste que le film, il a été repoussé plusieurs fois, ouais, au niveau de la date. Il sort en mai pour l'instant. Il sort pour l'instant, il est annoncé au 3 mai. C'est ça, hein, 2017, ouais. Alors que nous on l'a vu en octobre 2016 déjà, toujours dans notre festival préféré. Il faut savoir qu'il est déjà sorti depuis, parce que quand on l'a vu en festival d'Auch en octobre 2016, il était déjà sorti en Italie, il a déjà fait un carton là-bas, et d'ailleurs la distributrice, donc c'est Nour Film qui va distribuer le film en France, nous expliquait que, bah, d'ailleurs elle comprenait pas pourquoi ça mettait autant de temps à arriver sur les écrans. C'est invraisemblable. Et en plus il a eu le prix spécial du jury à Gérard May cette année. Actualité récente, effectivement. Ah, oui. Ouais. Il vient d'être récompensé. Il vient d'avoir juste le prix, là. Et je pense qu'on est tous d'accord sur ce prix. Et oui, oui. Bah, je vais peut-être être un petit peu plus nuancé que vous. Alors, on va pas y avoir du gros fight, de la grosse baston, mais... De la pichenette. C'est vrai que... De la pichenette. Il y aura de la un combat de pouces. Il y aura de la pichenette dans le lobe de l'oreille. Voilà. Alors, bah, allez, Arnaud, allez, c'est toi qui as le plus adoré, donc... voilà. Le pitch. Le pitch, c'est poursuivi par la police dans les rues de Rome. Donc, le héros tombe dans une rivière et contacte d'une substance radioactive qui le contamine et lui donne des super pouvoirs. Voilà. Donc, c'est comme Spider-Man, mais exactement. C'est pas une araignée. Version en fait, baril de je sais pas quelle substance. Version fleuve pollué. Quoi. Voilà. En plus, c'est écolo. En gros, moi j'aime bien parce que je suis fan de comics. Quoi. J'en ai bouffé quand j'étais gamin et tout ça. Et je pense qu'un petit peu comme tout le monde, quand on va voir les Avengers ou les trucs comme ça, on est déçu, on est là, l'histoire elle est con, c'est basique, quoi, c'est édulcoré, ça manque un peu de matière. Et là, j'ai été quand même agréablement surpris, c'est ce que j'aime voir dans les films de super-héros, quoi. Ça va au bout des choses au moins. Qu'est-ce que t'as à raconter? Elle me regarde avec un espèce de sourire à côté. J'attends de savoir ce que tu vas dire, c'est tout. Ouais, je sais pas où je vais. Ouais, c'est... Oui, ça se voit. Ça s'entend. Alors, on est à la fin de l'enregistrement. Trop, là, ça non, se voit. Alors, ouais, on est à la fin de l'enregistrement. On va le préciser. Il faut être indulgent. Il fait bientôt nuit dans le studio. Oui, on commence à fatiguer. Oui, et maintenant je ne sais plus où j'en suis. Ça y est. Tu parlais de ce que t'aimais dans les comics, que t'en avais bouffé. C'est ce que t'aimes voir dans les films de super-héros, voilà. C'est ça que t'as dit. Donc l'histoire est très basique, c'est quelqu'un qui a des super pouvoirs, qui est embêté par la mafia, et bon voilà, il doit combattre la mafia et arriver à sauver la belle et l'orphelin. En gros, voilà. En gros, c'est ça. Mm. C'est vrai qu'il y a des espèces de mélange de genres aussi entre le film de gangster, mafioso, italien, classique quelque part, et puis cette espèce de côté transformation, enfin le super-héros qui découvre ses pouvoirs, etc. Donc on a un peu tous les codes du genre. Il y a du surnaturel, il y a du thriller de mafieux. C'est du super-héros, quoi. Daredevil. Des barres de rire. Daredevil, c'est ça. Il combat la mafia, il combat le caïd. Oui. Donc voilà, c'est du super-héros, c'est des trucs comme ça. Mais ça reste dans le graveleux, ça reste dans le son. Quoi, parce que ça tombe quand même sur ce super-héros donc qui s'appelle Jig Robot, qui se fait appeler Jig Robot. Faut quand même savoir qu'à la base, c'est quand même un pauvre type. Oui. Un pauvre type qui s'est endetté auprès de la mafia. Voilà, il a aucun sens de savoir-vivre. C'est un gros loser, un appart pourri. C'est un super-héros, on pourrait dire ça. Quoi. Et il le porte très très bien. En fait, l'acteur, c'est un mec, il est énorme. C'est un mec qui demande juste à ce qu'on lui foute la paix. Quoi. Ouais. Et il le porte. En règle générale, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment dans les films de super-héros. Ouais. Et c'est plus ou moins bien joué. En fait, on y adhère plus ou moins. C'est un peu Hancock, mais version vachement mieux. Tandis que là, vraiment, le mec, il le porte. Quoi. Le mec, il a plus un côté Big Lebowski, pour le coup. T'as l'impression, exactement. Alcoolique. Vous voyez que le mec, vraiment, il dit je veux qu'on me foute la paix. Et puis jusqu'au bout, je veux qu'on me foute la paix. La première chose qu'il fait avec ses pouvoirs, c'est braquer une banque ou braquer un magasin pour avoir une télé HD grand écran. Ouais. Il s'en sert pas du tout pour défendre, justement, les opprimés, etc. Enfin, au contraire, il est égoïste. Il aime personne, il aime pas les gens, enfin voilà, donc c'est vraiment, c'est jouissif de voir ça, le gars, il en a rien à foutre. Il y a un côté très irrévérencieux, effectivement, c'est vrai qu'il y a, dans les dialogues, il y a un petit côté trashos. C'est drôle. Et il bascule après, effectivement, super-héros, mais... Sans trop spoiler. Donc je fais la même remarque aux camarades de parler. Mets le micro devant ton nez. Parce que si tu te tournes comme ça, on entend le côté de ta bouche. Et c'est mais bon, le côté de bouche a beaucoup de choses à dire aussi. Non. Voilà. Mathieu. Voilà, d'accord. Okay. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie. Jig Robot, en fait, moi, je suis allé le voir. Il n'était pas dans mon programme quand on a fait le festival. C'est vous qui me l'avez recommandé en cours de route. Et j'ai modifié mon programme pour aller voir le film. C'est d'ailleurs le tout dernier film que j'ai fait du festival. Bon, alors après, du coup, voilà. On l'avait peut-être survendu. Ouais, déjà, vous me l'avez un peu survendu. Enfin, vous me l'avez beaucoup vendu. Et je l'ai vu, du coup, dans des conditions peut-être un peu plus difficiles que vous, plus tard, à la toute fin du festival, en séance de 22h, avant de reprendre la route. Donc c'est vrai que, techniquement, j'étais pas en état, un peu comme ce soir. Non, ce qui est vraiment sympa, c'est effectivement ce mélange des genres, et puis ce côté romain, quoi. Le côté petit caïd romain, enfin, il y a vraiment cette espèce de truc italien qui est vraiment... Il y a la petite frappe, là, qu'on appelle le gitan, là, c'est génial. Non, c'est quand même, faut dire que ce film est surtout très drôle, voilà. Enfin, ouais, ça met, oui, c'est drôle et c'est... Il y a plein de références pour ceux qui sont un peu geeks, qui aiment bien un peu l'univers des super-héros. Enfin, et c'est très très bien réalisé, quoi. Il y a des effets spéciaux qui fonctionnent très bien, sans mettre les millions que peuvent avoir effectivement les Avengers ou Spider-Man ou des trucs comme ça. Les effets spéciaux marchent très très bien. Ça fonctionne... C'est chouette à voir. Il y a des personnages assez atypiques. La veuve, quoi. Oui, c'est la veuve, La nana qui se retrouve, qui est complètement. Quoi, qui est cruche, quoi. Mm. Et, elle est un peu débile, ouais. Complètement débile, quoi. Mais qui a des atouts. Voilà. On ne dira pas lesquels, tout le monde aura compris. La petite blague macho. Mais. Ouais, non, il y a vraiment des petites choses intéressantes dans ce film et c'est plutôt pertinent. Et ceux qui aiment bien les films, ceux qui aiment bien les films de super-héros et les DC Comics, allez le voir, c'est vraiment plaisant. Et là, je rigole tout seul parce que j'étais en train de me dire tout à l'heure, tu parlais du gitan. J'ai dit, mais c'est qui déjà lui? Et en fait, oui, c'est le grand méchant du film. Ben oui, méchant. Dont je viens de me rappeler la tronche qu'il a. Et c'est vrai qu'il est à mourir de rire. Maintenant, ça me revient. Non, c'est vrai que j'étais peut-être un peu moins en balèze, que vous me l'avez un peu survendu et tout ça. Mais bon, la conclusion quand même, c'est qu'à choisir entre un Marvel ou un DC Comics ou je sais pas quoi, allez acheter italien, quoi. Voilà. Ouais, vraiment. Ça sera beaucoup plus original. C'est frais, quoi. Et même si le scénario il a pas l'air original comme ça, il y a vraiment des choses qui sortent de l'ombre et ça fait plaisir. Donc surveillez. Il y a des choses qui sortent de l'ombre. J'avais pas. Ah, c'est magnifique. Allez, on va s'arrêter là. Ouais, c'est ça. Replonger dans l'ombre, flamme doudoune. Voilà. Oh, mais... ça, c'est fait. Oh, non. La phrase de trop, quoi. Donc Jig Robot, ça sort le 3 mai et on vous recommande plus. Le feu sombre ne vous servira à rien. Flamme doudoune. Repartez dans l'ombre. Ne passerez pas. C'est l'heure, ça va commencer. Bonjour, est-ce qu'il y a des places libres? Vous avez 3 heures à partir de maintenant. Et il faut toujours laisser le temps. Il faut laisser le jury réfléchir. Intelligence, une sensibilité, il y a une réflexion. Vraiment, c'est son point de vue, c'est pas un truc qu'elle a lu dans un bouquin. Quelqu'un comme ça à l'école, ce serait vraiment formidable. Mais évidemment. Ça va être un carnage. Il joue sa vie. J'ai peur pour lui. Mais ce serait quoi la peur pour lui? C'est des hésitations qui sont fondées souvent. On ne peut pas lui dire non, vous n'avez pas le droit d'avoir accès à la famille parce que ça peut être dangereux pour vous. Et à la fin, le jury se met d'accord. Oh yes. Donc on va poursuivre avec un documentaire pour changer, le concours de Claire Simon qui sort le 8 février. Qui nous en parle? Mathieu? Ah bah oui, si tu Allez. Veux. Oui, c'est vrai qu'on s'est pas mis d'accord, mais c'est pas grave. C'est comme ça, on improvise dans cette émission. Donc le concours de Claire Simon, oui. C'est un documentaire, comme tu viens de l'annoncer. C'est vrai qu'on a envie de défendre aussi le documentaire dans le podcast, parce qu'on parle beaucoup de fiction un peu partout, assez peu de documentaires. Celui-là, en plus, il est intéressant sur les coulisses un peu de... du cinéma, de comment, comment on devient cinéaste en gros, puisque le concours, il s'agit du concours de la FEMIS, donc la principale école de cinéma en France. Voilà. Donc qui fait des diplômes dans toutes les filières vraiment du cinéma, donc aussi bien la production, donc que ça veut dire les réalisateurs, les scénaristes, et puis tous les métiers techniques qui vont autour, hein, les costumiers, les scénographes, etc. Et d'ailleurs on voit un petit peu tous ces corps de métiers, ou en tout cas tous les aspirants candidats aux formations de ces différents corps de métier. Donc déjà, c'est hyper instructif comme documentaire. Si vous ne le savez peut-être pas, c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, que quasiment tous les cinéastes français, mais pas sans exception, mais quand même une grosse partie, en particulier les plus jeunes aujourd'hui, hein, la nouvelle vague de réalisateurs français qui arrive sur le marché, ouais, Léa Fener, Sacha Wolf, j'en ai pas d'autres là, mais celle qui a fait Planétarium aussi, comment elle s'appelait, bon c'est pas grave, on retrouvera. 36-15 Wiki. Voilà, 36-15 Wikipédia. et en fait, ils sortent tous de cette école-là, donc c'est vrai que c'est intéressant parce que en fait on comprend globalement pourquoi pour certains, alors pas tous, mais des fois on a l'impression de voir tout le temps le même film quand ils sortent de l'école. C'est vrai qu'il y a quand même ce côté carcan. Là je vais peut-être passer la parole à mes petits camarades, voir ce que vous avez pensé de ce film. Alors là on n'a pas trop parlé du documentaire, on parle plutôt du sujet, de quoi parle le documentaire, mais on y reviendra. C'est difficile de séparer les deux. Enfin, oui. Moi, je ne connaissais même pas l'existence de la FEMIS quand j'ai vu, donc peut-être que c'est Shame on Me, hein, j'en sais rien. Mais non, mais je pense que ça va être le cas de beaucoup de spectateurs. Donc, rien que pour ça, de savoir juste les coulisses des coulisses, en gros, c'est-à-dire comment aujourd'hui, si quelqu'un veut être réalisateur en passant par la voie, on va dire, scolaire, voilà, en gros, hein. Comment on fait ? Et ben, c'est un concours avec des centaines et des centaines de concurrents qui d'abord font un dossier hyper épais, puis font un concours écrit, puis doivent passer des oraux, puis... Enfin, voilà. Et on voit un peu tout le cheminement de ce grand concours qui est quand Je même... Je crois qu'il y a 7 étapes en tout à hyper passer. Hyper long. Et j'ai trouvé quand même hyper intéressant, par contre, c'est justement leur Fight Club à eux, c'est-à-dire les profs qu'en fait, on connaît tous, qu'on aura vu en tant qu'acteur dans tel ou tel film ou en tant que réalisateur dans tel ou tel film, parce que d'ailleurs la réalisatrice de Jamais Contente est prof à la FEMIS, je me souviens qu'on l'avait revue dans un des oraux dans le documentaire. Il y a des acteurs aussi. Et la maman que tu es. Et la maman de Jamais Contente aussi, voilà, donc c'est un petit monde, le cinéma français en tout cas. et ce qui était... moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, et en plus j'ai trouvé en tout cas la manière de montrer le concours était assez bienveillante et assez rigolote. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des candidats, voilà. Il y en a qui sont folklore. Il y avait des vrais moments où on s'est dit, à la place du jury, bonne chance, quoi. Voilà, parce qu'il y en a quand même qui sont un peu perchés, un peu originaux, etc. Il y a vraiment des moments très drôles. Et puis, ce qui était intéressant, c'était de voir tout le débat du jury derrière sur juste une intervention de 30 secondes d'une nana avec celle qui va pas pouvoir blairer sa tronche, alors que l'autre, elle lui dit, mais il passe au-delà de sa tronche, regarde ce qu'elle a dit, enfin voilà, et elles n'arrêtent pas de s'embrouiller, enfin mais sans que ce soit, je me suis laissée porter, voilà, par le documentaire. J'avoue, j'avais été voir ça un peu par défaut, parce que à cet horaire-là, il n'y avait rien qui me disait. J'ai fait aller, voilà, festival, toujours en festival, fois, voilà. Ouais. Je fais plutôt que de rester dans le froid dehors, je vais aller voir ça, voilà. J'avais un peu suivi parce qu'on était plusieurs. Le mouvement, on y allait tous les trois d'ailleurs. Et du coup, j'en attendais rien, donc forcément, j'ai pas été déçue, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Enfin, je trouve que si ça intéresse en tout cas ce sujet-là, il est plutôt bien fait, ce documentaire. Le documentaire est chouette, ouais. En tout cas, en termes de réalisation, il est vraiment agréable. C'est bien monté, c'est plutôt bien filmé. Le rythme est bon. Le rythme est très très bon. Le rythme est bon, alors qu'il est assez long. On s'ennuie pas, alors que pourtant le concours, il est pénible. Il dure 2 heures. Il dure 2 heures. On n'a pas vu le temps passer. Non, vraiment très chouette. Et moi, j'ai vraiment en tête une scène extraordinaire où justement, il y a un élève, ils doivent juger, je crois, sur une scène qui est filmée en fait. Et elle s'engueule carrément, quoi. Les professeurs s'engueulent carrément parce que il y en a un qui sort un peu de l'ordinaire en fait dans le choix artistique qu'il a fait. Et les autres veulent rester un petit peu dans leur tradition, quoi. Classique, scolaire. Quoi. toujours pareil. Et il y en a une qui dit, mais non, mais tu crois que quand Tarantino, et si on avait Tarantino aujourd'hui qui serait là, tu crois qu'il serait pas un peu fêlé comme gamin? Bon, voilà, on voit cette problématique. Je crois qu'il y a cette réplique, mais c'est peut-être le futur David Cronenberg. C'est ça. Tu crois qu'il était classique? Ce qui montre aussi, du coup, le... Pardon, je t'ai coupé. Ça montre, du coup, l'aspect un peu absurde, finalement, de ces concours-là, parce que c'est là où c'est difficile, une école d'artiste, parce que si le gars, il a du talent, il n'a pas besoin d'aller à l'école pour y arriver. Ça donne un peu cette impression-là. Enfin, c'est-à-dire que ce gars-là, du coup, il va pas être pris probablement parce qu'il est trop original, alors qu'en fait, justement, ça va peut-être lui servir de pas aller dans cette école parce qu'il va rester avec son originalité et il fera des films qui vont enfin sortir du lot. Et c'est peut-être, ça va peut-être recouper ce qu'on a pu dire dans les chroniques précédentes, c'est-à-dire que les films français se ressemblent tous et ils sont tous un peu... J'exagère. Ouais, faut pas exagérer. C'est extrémiste. Il y en a quand même qui arrivent à peu près à sortir du lot. Quand il y en a un qui sort du lot, on est trop content. Genre, enfin, un film français qui... Dans la forêt. Comme dans la forêt. Voilà, ça sort un peu de tout ce qu'on voit habituellement. Même en termes de réalisation, je trouve que c'est quand même... et il y a beaucoup de films français, j'ai l'impression que c'est un peu la même manière de réaliser, quoi. On tombe dans les classiques, gros plan, champ contre champ, et puis voilà, quoi. Bah, c'est vrai que la FEMIS, enfin bon, là-dessus, on est assez d'accord, quoi. C'est-à-dire les gens qui sortent de la FEMIS, en tout cas au début, après, il y en a qui arrivent à se trouver. Après, il y a des exceptions, quand même. Tu vois, les ogres de Léa Fener, bon, même si on l'a diversement reçu, il y a quand même une énergie, il y a quand même quelque chose qui, une force que tu retrouves pas dans tous les gens qui sortent de la FEMIS, quoi. Oui, on a beaucoup apprécié. Alors il s'est complètement crashé au box-office, mais l'année dernière, Mercenaires de Sacha Wolf, même promo d'ailleurs que Léa Fener. Il s'est crashé au box-office, il s'est crashé lamentablement. Bon, c'est dommage parce qu'il avait quand même une énergie aussi. Il a été mal distribué aussi. Après, ça un jour on vous parlera. Faudra qu'on vous parle un jour de la distribution du cinéma français. Des fois c'est dur, hein. C'est scandaleux. Ouais. En tout cas, le concours, c'est vrai que ça nous montre c'est les coulisses de cette institution, parce que c'est quand même une institution monstrueuse, c'est énorme. Ça forme vraiment pas que les cinéastes, hein, parce qu'il y a la filière distribution, il y a la filière aussi exploitation. Exploitation, hein, puisque quelque part, il y a aussi les directeurs de cinéma qui vont se former en formation continue. Donc c'est vraiment. Il y a plusieurs filières, toutes les filières liées aux. C'est énorme. Là, on voit plutôt quand même la partie globalement plus artistique, un petit peu la distribution. Il y a quelques candidats qu'on voit. Il y a des oraux sur la distribution. Je crois que le plus drôle, c'est quand même les oraux des scénaristes. J'avoue. Il y en avait un qui était particulièrement imbu de sa personne. Il y a plein de chefs-d'œuvre qui se perdent dans ces scénarios là. Voilà. Bon, après on va pas trop spoiler. Il faut aller le voir, mais. En tout cas, il est bien réalisé, ce documentaire, et vraiment, il est agréable à voir et intéressant. Si vous aimez le cinéma, en tout cas, c'est intéressant. D'un point de vue purement culturel. Culturel, juste de savoir comment ça se passe dans ce genre de concours. Voilà, moi, ça m'a dissuadé d'envisager de le passer, personnellement. C'est trop long, il y a trop d'étapes. C'est vrai que ça a l'air bien hardcore, vraiment très très très hardcore. En tout cas, c'est le concours de Claire Simon. C'est sorti le 8 février, mais c'est le genre de film, ce genre de documentaire... Qui sont distribués longtemps, dans les petites salles de province, les mono-écrans, etc. Vous avez la chance probablement de le voir jusqu'en mars ou avril. Et puis sinon, allez guetter dans les petites salles ARS, ce que vous ne le verrez pas ailleurs, le concours de Claire Simon. Cinéma ! Cinéma ! Oui, je sens qui je suis ! Je suis cinéma ! Cinéma ! Cinéma ! De salle en salle et de film en film, je t'ai donné mon existence. Et toi, gamin, fils de Lucien, le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi ? Cinéma ! Cinéma ! Allez, 3, 4, le film du placard. Et le mec qui démarre par là, quoi. Allez, on a le droit de la refaire. Attention. Le film du placard. Ah, voilà. C'est tellement naze. Ah, c'est rien. Alors, le film du placard, c'est quoi le concept? Qui c'est qui me l'explique? Ok. Allez, j'y vais. C'est vrai, t'as pas entendu. C'est l'histoire d'un type qui se réveille sur... Enfin, oh, j'aime bien parce qu'elle démarre par le film, que je voulais expliquer le principe de la rubrique. Ah, pardon. Ah, mais je croyais que tu voulais raconter le film. Mais non, c'est pas grave, on va le faire après. Alors, le film du placard, alors oui, bah, le principe, c'est qu'on vous ressort un film du placard, c'est-à-dire un film qui n'est pas forcément dans l'actualité. Ça peut être n'importe quel film qui mérite d'être vu, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas un film sur lequel on a envie quand même de mettre un petit coup de projecteur pour diverses raisons. Et effectivement, le film du placard d'aujourd'hui, du coup, c'est Swiss Army Man. Voilà, donc en l'occurrence, un film qui est d'actualité, puisqu'il est sorti il y a très peu de temps aux États-Unis, récompensé à Sundance d'ailleurs. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Et mais voilà. En même temps, pas d'actualité, puisqu'il ne sortira pas en France. Ah bah, apparemment, en tout cas. Prochainement. Ça fait un an. Ça fait des mois ou un an, ouais, qu'il est annoncé. Prochainement. Donc autant vous dire que ça sent le pâté. A priori, on ne le verra pas sur nos distributions de cinéma. Voilà. Donc voilà, mais nous on est allé le chercher quand même. On s'est débrouillé pour arriver à le toper, hein, clairement. Et donc on a choisi, en plus on l'a vu tous les trois ensemble, Mathieu, Arnaud et moi. Encore un lendemain de soirée. Encore un lendemain de soirée. Et ça tombe bien parce qu'on est dans le Fight Ciné Club. Et donc on va pas être d'accord puisque Arnaud et moi on a plutôt bien aimé. Et en fait Mathieu pas trop. C'est ça, donc en ce moment c'est moi le rabat-joie. On t'a senti un peu seul, c'est vrai, devant ce film. J'étais très très mal. Bien, voilà. Pas bien. Et puis je sais pas, mais bon, on va en parler. On va en parler. Alors du coup, j'allais raconter l'histoire. Bon, le pitch de départ, c'est... alors moi, j'aime bien raconter les trucs à ma sauce, le synopsis. Fort bien. Voilà. Donc en gros, hein, c'est un type, ça commence comme ça, hein, on comprend tout de suite qu'il est perdu sur une île déserte, qu'il a décidé que clairement personne ne viendrait le chercher, et donc il va pour se suicider. Donc il est en train de vouloir se pendre à un rocher. La première séquence du première film. Première séquence du film. Donc c'est joué, alors je me souviens, Paul Dano, c'est ça? Oui, Paul Dano. Paul oui. Dano, donc, qui est à deux doigts donc, de se mettre la corde au cou. Et en fait, au moment où il va pour mettre fin à ses jours, il aperçoit sur la plage un cadavre, enfin le corps de quelqu'un. Un type échoué, qui est joué par Daniel Radcliffe, qui est juste mais magistral. Voilà. Il joue le rôle d'un mec à moitié crevé. Mais non, un mec crevé. Voilà, donc Daniel Radcliffe est mort. Mais Paul Dano, voyant ça, il se prend d'affection pour cette espèce de cadavre qui va donc traîner partout dans ses aventures. C'est un pitch complètement improbable. Et donc, pour résumer le titre, Swiss Army Man, ça veut dire l'homme couteau suisse, si on traduit. Et donc, ça part dans un délire fantastique un petit peu. C'est-à-dire que Daniel Radcliffe devient l'homme couteau suisse et en fait va permettre à Paul Dano, donc le nom, je ne sais plus le nom qu'il a dans le personnage, mais en tout cas, en gros. Il s'appelle Hank. Donc va permettre à Hank de se sortir de cette espèce d'île déserte où il est perdu parce que en gros le cadavre a des genres de super pouvoirs. Alors c'est très potache. C'est parfois peut-être un peu trop potache. Voilà, ça tourne beaucoup autour du gaz et de la flatulence quand même. Voilà. Quoi, en gros, il pète, il en fait un hors-board. Moi, je trouve ça tellement drôle. Il lui met des coups dans le ventre et ça lui fait une fontaine. Une fontaine à eau. Non, mais alors, il faut vraiment regarder ce film en se disant... Boussole. On parle de la boussole. Je sais pas. Je voulais en parler, mais je savais pas comment le dire. Je savais pas comment le dire. S'il y en a qui arrivent à voir ce film. Moi, je crois que là, vous avez compris qu'est-ce qui donne la direction. On n'a même pas besoin de vous le dire. Voilà. Le côté cadran solaire, en fait. Oui, voilà, tout le monde aura compris. Et donc, bon, voilà, Arnaud et moi-même avons beaucoup, beaucoup ri. Et effectivement, Mathieu, beaucoup moins. Après, il y a un petit fond quand même. Il y a un fond, d'ailleurs, peut-être pas trop spoiler. Parce que justement, si on vous dit le fond de l'histoire, c'est spoiler. Juste pour voir Daniel Radcliffe jouer un cadavre. Méchant. Bon, ça, d'accord. C'est vrai que la performance de Radcliffe. C'est tellement. Ouais. Déjà, tu te demandes s'il est maquillé. Parce que déjà, Radcliffe, à la base, il est assez blanc cadavérique. Et c'est vrai que ça lui va bien. Il a une bonne tête de mort. Quoi. Voilà. Il joue vachement bien les corps sans vie qu'on doit traîner comme. Masque. Qui tombe. La tête dans le sable, enfin vraiment. Un œil à moitié ouvert et tout. Ah ouais, non, mais magnifique quoi. Il y a une jolie performance à ce niveau-là. Il y a des jolis moments, il y a des jolies séquences, il y a des très bonnes idées, moi je trouve. Il y a des trucs, cette séquence où. Il est hyper ingénieux. Une scène d'autobus, encore une fois. Ce sera le thème de la journée. C'est le fil rouge, il y a plein d'autobus dans cette émission, c'est génial. Et donc, il y a deux, trois trucs, au milieu de la forêt où il te reconstitue une histoire, une espèce de petite tranche de vie, là. Il y a des super idées de mise en scène. Mais bon. Oui, alors on pourrait mettre ce film quand même dans la rubrique des films dont la fin gâche un peu tout. Ouais, et puis la fin. Ah, je sais pas. Bon, après, il y a des. Justement, ouais, non. Bah, je sais pas, ça lui donne un peu de fond en fait. Voilà, les Ah bah, genre les trois dernières minutes elles sont trop pour moi, mais après c'est que mon opinion, on vous dira pas comment ça finit. En tout cas c'était une bonne barre de rire. Et en fait je trouve que techniquement la photo était très belle quand même. La réelle est pas mal, il y a un côté un peu clip en fait, puisque... c'est juste mal écrit en fait. C'est un peu lourd quoi. C'est un peu lourd je trouve, comme c'est un peu long aussi. Il y a un peu trop de il y a un moment où ça commence à être un petit peu long. C'est ça qui est dommage, parce que quand même le film il dure 1h37 quoi. C'était l'heure 37 la plus longue depuis un moment de ma vie quoi. Il est pas parfait ce film, c'est sûr. Pas dans de bonnes conditions. Oui, peut-être. Oui, t'étais peut-être pas en forme. Mais on dira pas pourquoi. Mais quand même, non, c'est sympa. Il y a un côté un petit peu clip aussi, parce qu'il y a beaucoup de musique en fait. La musique est très sympa. Il y a quand même des bonnes idées. Pas parler de la musique. La musique, il y a deux trois trucs marrants. Il y a une place de la musique. Ouais, c'est lui qui commence à chanter. Ouais. Et d'un seul coup, non mais oui. Et la musique arrive derrière. Ah, il est parti. Puis voilà, plusieurs fois, il commence à cappella et puis la grosse musique arrive derrière. Quoi, il y a des bonnes idées de mise en scène quand même. I need you to help me get home. Okay, buddy? Okay, buddy. From starvation. You're special. I'm special. When there's 7 billion people on the planet, you might be lucky enough to bump into the one person you want to spend the rest of your life with. This is the life I've forgotten. This is just the beginning. Bon, je trouve que ce film quand même mérite d'être vu, et il mériterait de sortir en France, parce que franchement, c'est un ovni. C'est un ovni, ovni. C'est vrai. Daniel Radcliffe, qui joue un cadavre, mais à la perfection. Ça mériterait de sortir en France, Alors après, pas trop cher le ticket, mais... bon, voilà, après, voilà. Non, si, il faut le voir. Moi, je reconnais, j'ai un humour très potache. Avoir entre potes. J'ai un humour pipi caca, je suis bon public, et j'avoue que bon, ça me fait rire de voir que le mec, il pète, et du coup, ça fait avancer comme un hors-board. Voilà, moi, c'est... il le tient par les bras, et il se met dessus comme sur un espèce de jet ski. Enfin, c'est improbable, c'est un bon film de lendemain de soirée. Il faut juste pas trop abuser la veille, voilà. Ce sera, en ce qui me concerne, le mot de la fin. Le mot de la fin pour le film du placard. Non. Voyez-le vraiment. Enfin, voyez-le. Faites comme vous pouvez pour le voir. Trichez comme nous. Trichez comme nous. Voilà. On va pas vous donner le site, mais vous avez compris. Ça commence par un S, ça finit par un G. Téléchargement légal. Ça s'écrit STREAMING. Voilà. Ouf, là, bravo. Eh, t'as vu. Mon compte triple. Allez, c'est tout pour cette rubrique. Alors, on va juste faire des petites brèves sur d'autres films qu'on vous conseille ou pas, d'ailleurs, voir, mais sur lesquels on va pas s'étendre aussi longuement que sur les autres films qu'on avait choisi de défendre un peu plus. Et donc, on démarre avec Chez nous, qu'Arnaud a pu voir récemment. De Lucas Bellevaux. Oui, effectivement, ce film, donc de Lucas Bellevaux, j'ai eu beaucoup de mal avec ce film, en fait, que j'ai trouvé très facile, l'histoire est, en gros, c'est l'histoire sur le Front National, sur comment la manipulation de Marine Le Pen veut montrer qu'elle se détache du Front National, à l'air qu'elle est toujours attachée, voilà, mais... Ben, cette manipulation, moi je l'ai pas ressentie à l'écran. Je trouve que c'est tombé dans la simplicité, c'est juste dire voilà, c'est le diable, croyez-moi, et puis point quoi. C'est manichéen quoi. C'est manichéen. Même dans la manière de réaliser, en fait, au départ quand même, c'est un petit peu malin. Il y a ce rôle d'Emilie Dequesne qu'elle joue vachement bien, et voilà, il y a une recherche d'image, il y a les travelling et les choses comme ça, et puis après ça tombe dans la facilité. Gros plan, champ contre champ, et on fait que ça quoi. Donc voilà, moi ce film là je l'ai trouvé un peu trop facile et pas très intéressant, si ce n'est la prestation d'Emilie Dequesne et du Solier qui joue juste, et là par contre il n'y a rien à dire. Voilà, je fais vite. Voilà, en bref, allez pas le voir. Ouais, c'est pas, ouais, bon, bon, t'es pas voilà. Pour quoi. T'es pas pour. Ouais, je suis pas pour quoi. C'est dommage, en fait, c'est dommage parce que c'est vrai que la thématique peut être portée et peut effectivement porter des valeurs qui sont intéressantes. Mais là, j'ai l'impression qu'il s'est juste servi de cette thématique pour faire un film assez simpliste quoi. C'est dommage. Qui se vend sur le bad buzz. Ouais, c'est ça, c'est du buzz quoi. C'est ouais, du buzz. D'accord, bon. Ok. Bon. Alors ensuite, puisqu'on fait bref sur cette petite partie-là, Mathieu voulait nous parler de Loving, qui sort là très bientôt, le 15 février. Le 15, exactement. Ouais, Loving de Jeff Nichols. Super. Bah, qui, dans les cinéastes américains, bah voilà, cinéaste indépendant américain, a fait des choses intéressantes. Bon, Midnight Special a divisé un peu, mais il a fait quand même le magnifique Mud. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Il sort de la tempête, là. Oui, Take Shelter. Ah, Take Shelter. Avec son comédien fétiche, ah, Michael Shannon. C'est lui qui a fait Take Shelter. Ouais. Ah, je vais y aller encore deux fois plus voir Loving. Ouais. Et là, ça sort un peu du lot par rapport à sa filmographie, où il y a toujours un petit peu... Bah, souvent, il y a un côté fantastique quand même dans la plupart de ses films. Et là, pas du tout. Alors, je sais pas si c'est un film de commande ou quoi. C'est pas impossible, parce que ça sort un petit peu de ce qu'il fait d'habitude. Mais c'est en fait l'histoire donc du couple Loving. Alors, j'ai oublié, c'est Mildred et Richard Loving. Donc, il y a un jeu de mots, évidemment, sur le nom, puisque le nom, c'est leur vrai nom de famille, en fait. Et évidemment, c'est une histoire d'amour. Donc, ça sort fort habilement le 15 février, lendemain de Saint-Valentin, vous l'aurez noté. et donc, c'est d'abord une romance, une belle romance, voilà. Alors que pourtant, moi, c'est vraiment pas les films qui me font kiffer, les romances. Mais là, c'est aussi surtout un film sur, sur l'histoire de la ségrégation aux États-Unis. Et donc, sur un des tout premiers couples interraciaux, du coup. Oui, non. Un racial des ratios. Voilà. Bonne question. C'est une bonne question. Je me suis perdu dans ma phrase. Je ne savais plus si j'étais en singulier ou en pluriel. Donc c'est dramatique. Bref. Donc, un des tout premiers couples interracial qui quitte son état. Ça se passe dans les États du Sud. Et donc, ils vont exprès à New York pour aller se marier. Parce que là-bas, dans l'État de New York, c'est autorisé. Alors que chez eux, non. Et ils se disent qu'ils vont arriver de façon clandestine à faire exister leur couple, donc leur communauté conjugale dans cet état du sud où en fait évidemment ça va s'avérer beaucoup plus compliqué que prévu. C'est magnifique, c'est vraiment très beau, voilà la photo, l'histoire et il y a ce côté narration à l'américaine, voilà ils savent faire ça quoi, vraiment exploser dans le montage les narrations, t'as une image mais t'entends la fin d'un dialogue et paf t'es déjà passé sur la séquence suivante, c'est très très fluide, c'est très très beau. C'est pas tombé un peu dans l'histoire romantique un peu gnangnan, un peu les Américains ils savent faire ça aussi quand même. Ouais mais non je trouve pas, enfin non. C'est pas un mélo. C'est pas un mélo, non vraiment, c'est un drame, oui, je vais pleurer. C'est une romance, mais c'est pas un mélo, non, c'est beau en fait, enfin, y a plusieurs phases de la vie du couple, puisque bon, il y a une histoire de procès aussi à un moment donné, voilà, il y a Michael Shannon, donc l'acteur fétiche qu'on voit dans Midnight Special, dans Take Shelter, qui a un tout petit rôle pour une fois, et il joue le photographe du Times, qui vient couvrir à un moment donné, elle, elle décide de médiatiser leur couple pour essayer de faire exister leur cause. Et lui, il joue le journaliste du Times qui est absolument génial. Alors qu'il y a un tout petit rôle, hein, on le voit 10 minutes à l'écran, mais bon, on voit qu'il aime ce comédien parce que vraiment, même sur 10 minutes, il arrive à le faire exister, à lui donner un rôle extraordinaire. Non, c'est vraiment très, très, très bien fait. Et on va pas dire plus, juste aller le voir, voilà, puisqu'on a dit qu'on serait bref sur les brèves. Okay. C'est normal jusque-là. J'ai cru que tu allais dire que c'était poétique, là, tu aurais perdu toute crédibilité. Quoi. Vous avez vachement parlé de poésie déjà sur Patterson. Ouais, mais non. Par contre, juste pour terminer, vraiment une mention plus à Joel Edgerton, le comédien qui joue, lui, Richard Loving, une espèce de brutasse, là, tu sais, un peu texan, quoi. La gueule carrée, le cheveu blond, complètement platine, hyper ras, avec une grosse... Ouais, voilà, une espèce de tête un peu de brutasse, quoi, de bas étage. Et que d'ailleurs, on voit plutôt... je l'ai vu dans des petits rôles, hein, plutôt des films d'action à la con, où il joue des grosses brutes. Et là, il a un rôle... je sais pas s'il est dans les nominés pour les Oscars, mais ça mériterait au moins une nomination, parce que vraiment, il est hyper touchant. Enfin, il fait exister ce personnage qui voilà, tout pour son couple, enfin voilà, vraiment c'est le type la brute au cœur tendre. Ouais, c'est ça, il est le type, il est basique, il réfléchit pas trop, etc. Mais alors il est touchant, son amour il est profondément sincère et il arrive à nous le faire exister, c'est beau. Ok, très okay. Bien. Et ben on enchaîne avec un autre film, c'est Après la tempête. Là je crois que c'est Arnaud qui l'avait vu, celui-là. Et moi et Mathieu. Ah, oui, et Mathieu aussi. Ouais, alors Mathieu, vous allez nous en parler tous les deux. Bah ouais, parce qu'en plus on n'est pas d'accord. Il faut être bref, je vous rappelle. Allons-y. Ouais. Alors après la tempête. Qui est pour, qui est contre? Moi je suis plutôt pour. Donc, bon après je vais pas me couper. Ouais, okay. Je vais pas me couper une main non plus pour ça. Mais voilà, c'est le film japonais de Hirokazu Koreeda. J'aurais pas tenté le. Voilà, c'est en fait un écrivain divorcé loser quoi, qui est complètement perdu, qui paye pas la pension à sa femme. Un mec quoi. Qui, hein, non, mec, voilà. qui joue aux courses de vélo. Alors ça quand même, ça, faut, rien que pour ça faut le voir quoi. C'est une course de chevaux avec des vélos. C'est quand même hors du commun. Je me rappelle même pas de cette séquence. Ah ouais, marqué ce film. Ah, je devais dormir à ce moment-là. Mais c'est que j'ai pris des notes, hein, tant. et voilà. Et en fait, c'est un film. C'est une espèce de. Je sais pas comment dire. On rappelle qu'Arnaud est pour en théorie. Ouais. Non, mais c'est pas vraiment une comédie. Il y a des moments drôles. C'est pas vraiment dramatique parce qu'il y a pas de drame. C'est plutôt positif en fait. C'est une. On a toujours pas compris de quoi ça parle. Un intermède de vie en fait. J'ai beaucoup du mal. C'est une histoire entre un père et son fils quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Putain, cette séquence est juste magistrale. Alors on la refait. Donc Arnaud essaye d'expliquer le film après la tempête. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Mais... Voilà. Non, mais j'ai beaucoup de mal à décrire ce film qui est un espèce de film posé, en fait, qui... voilà, c'est ça, c'est une histoire entre un père et son fils, et il essaye de récupérer l'amour de son fils. Ce père qui est complètement qui est un gros loser, c'est un branleur, c'est un branleur, et qui essaye un petit peu de voilà de retrouver un peu une vie cohérente quoi. Et voilà, j'ai trouvé ça good move, j'ai trouvé ça sympa, même si c'est pas dramatique, mais c'est pas très joyeux. J'ai quand même Toi t'as bien aimé, on va essayer de résumer. Ouais, j'ai bien aimé. D'accord. Voilà. Et pourquoi Mathieu est contre? Je me suis fait chier. Ouais, je me suis fait chier, c'est-à-dire que... Alors c'est beau, hein, c'est beau, c'est bien filmé, c'est tout, c'est ça. C'est extrêmement bien filmé, il y a un cadrage, il y a des plans, ils sont... Il y a la séquence avec la petite mamie qu'on a vue dans c'est le truc avec les haricots rouges, la Anne. Ah, ouais, dans les délices de Tokyo. Ouais, les trucs avec les haricots rouges. Ouais. Oui, bah oui. Les délices de Tokyo. Ok, que t'es un chouette film, bon toi t'as chialé comme non mais je rappelle que je suis pas un bon curseur pour ça. Voilà. Donc sachez qu'au Japon, il n'y a qu'une seule actrice pour jouer toutes les mamies japonaises. C'est celle-là. Voilà. Et bon, après c'est normal parce que cette actrice est excellente et effectivement les seuls moments où tu ris après la tempête et où tu dors pas, c'est quand elle est à l'écran. Et malheureusement, c'est trop peu. Elle est pas beaucoup dans le film. Le peu où elle est là, c'est bien. Et sinon, non, ouais, moi je me suis vraiment emmerdé. La photo est magnifique et tout. Tu sens que le cinéaste, il a du talent, mais là l'histoire, ouais. Bon, transmission un peu compliquée entre le père et le fils. Tu vois que le couple, il est séparer, il essaye de y recoller les morceaux, mais en fait, il sait pas communiquer ce type-là, quoi. Donc, bah, il est, c'est un mec perdu, quoi. De toute façon. Ouais. Mais, bon. Et ça dure 2 heures. Mais voilà, c'est une philosophie de vie, en fait. C'est une philosophie de vie. Après, bon, la photo, j'ai pas trouvé, mais surtout le cadrage. Quand je trouvais que le cadrage était quand même. Après, c'est asiatique, hein. Donc, ouais. Enfin bon, il y a une heure dans la cuisine, là, ça n'en finit pas. Ils sont là à couper les légumes, à causer. Avec la mamie, mais elle fait en plus que la cuisine. Oui, elle fait que. Alors, ouais, la cuisine, ouais. Alors, c'est pour jouer la cuisine. Au Japon, il n'y a qu'une seule actrice. C'est la seule qui sait cuisiner. Mais ok, donc on va résumer. Chacun se fera son opinion, puisque ça a l'air d'être un film qui divise, en tout cas. Ouais. On n'a pas très bien parlé de ce film, mais voyez, ouais, faut le voir pour mieux en parler. Mais voilà. Pour mieux comprendre de quoi ça parle, allez le voir. Voilà. Ouais, contre les troubles du sommeil aussi, allez le voir. Non, pas du tout. Allez, on passe à Glory. Alors, je crois qu'il y a Carnot qui a vu Glory. Oui. Alors, Glory, c'est un film bulgare de Kristina Grozeva. C'est une comédie, donc c'est vrai qu'on peut s'attendre à ce que ça soit un film un peu... Arrêté en ouzbek, dans ce titre, qui dure 3h30. Exactement. Et pas du tout. Voilà. Donc, c'est une comédie noire et grinçante, l'histoire d'un brave type honnête qui est chargé de l'entretien des voies de chemin de fer. Il découvre un gros magot et décide de tout remettre à la police. Donc, c'est un... Voilà, c'est vraiment... Le bon samaritain. Le bon samaritain, le brave type, en fait. Mais qu'est-ce qu'il est con. Qui est un peu couillon, quand même. Un petit peu. Et qui est, si tu veux, au milieu, en fait, de toutes les... de ce monde qui est complètement pourri, corrompu, déshumanisé, en fait. Lui, il est droit dans ses baskets. Mais, en fait, il subit en fait tout ces agressions qui est autour de lui. Donc c'est très drôle et en même temps c'est très acide. C'est voilà, c'est parce que c'est quand même c'est de l'humour noir un peu. C'est de l'humour très noir quoi. Okay. Donc mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé ça vraiment vraiment sympathique ouais. Donc allez voir Glory pour rigoler un peu sur et puis en voir, bulgare. Et puis voir un film bulgare. Et voir un voir film un bulgare. Film en VO alors bulgare, vous attendez pas à vous taper des barres de rire non plus. Hein, c'est pas voilà. Parce que ça laisse quand même un peu d'amertume au fond de la bouche. Hein. Mais voilà, petit goût ouais. De bile quand même. Mais peur, elle m'a fait peur ta phrase. Oui. Ouais. Ok. Alors très bien. Et donc je crois que les deux prochains films dont il fallait parler, il y a qu'encore. Il y a que Arnaud qui a pu les voir. Il y a comment qui travaille. C'est-à-dire que voilà. Donc il y a Paris pieds nus, qui est un j'ai réalisateur, un vrai métier, moi, voilà, un réalisateur français. Oui. Deux réalisateurs français, c'est un couple de Fiona Gordon et Dominique Abel, donc ceux qui connaissent ce couple-là vont pas être surpris. Moi j'ai découvert leur cinéma avec ce film que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est complètement loufoque, c'est vraiment du film burlesque, pur et dur. C'est un univers qui est bien à lui, c'est drôle, poétique. Alors c'est peut-être un petit peu fait avec des bouts de ficelle, mais on s'en fout, c'est complètement rafraîchissant. C'est cartoonesque et c'est marrant. Voilà. Donc allez voir Paris Pieds Nus. Un film français si vous qui change surpris. Un peu. Voilà. Une vraie comédie originale, allez-y. Voilà, ça ressemble à rien d'autre. Presque bravo. Donné envie, dis donc. Bravo. Ah. Et il nous reste. Je me suis réveillé. 1 minute 54, c'est ça, faut dire. Une minute. Non, c'est 1 54. C'est une. Oui, 1 minute 54. C'est 1 minute 54. Oui, c'est voilà. Ça. Enfin, voilà. C'est vendu comme un film un petit peu de surpassement de soi. En fait, c'est un garçon qui doit faire 1 54 pour passer. Le cap des régionales pour après voilà, devenir un coureur un peu champion quoi. Donc il fait de la course il parce que c'était peut-être intéressant que tu le dises c'est pas au faux, départ c'est la course je la sais course même plus c'est de 800 vitesse. Mètres je... d'accord ça se voit que je cours souvent c'est voilà. 800 mètres un truc il fait genre, de l'athlétisme mais pour être qualifié il faut qu'il fasse 1 minute 54 voilà. C'est ça. Et en fait si tu veux c'est un petit peu comme Million Dollar Baby en fait on croit que c'est un film sur un thème mais en fait au milieu du truc, ça explose. C'est une fausse piste. C'est une fausse piste. Et il se bouffe pas la langue à la fin, alors. J'espère pas pour lui. Il se pète la nuque sur un tabouret. Non. Au choix. Bon, je sais pas ce qui est mieux, en fait, en se respectant la nuque. Cette mort est quand même la mort la plus con au monde, quoi. Mais elle meurt pas, la pauvre. Alors ah oui, c'est fait. Vrai, elle meurt pas. Elle, elle aurait mieux fait de enfin, mourir bon. Là. Digression. Oui, c'est voilà. Vrai. Alors, le fond de l'affaire, c'est pour ça que je voulais vraiment en parler. Le fond de l'affaire, c'est sur le harcèlement à l'école. Et harcèlement pour l'homosexualité. C'est vraiment c'est un film canadien qui a comme principal acteur celui qui a joué dans Mommy donc Antoine Olivier Pilon du coup de Xavier Dolan. Oui, ah c'est oui, ça. Alors Mommy de Dolan évidemment. Monsieur Pilon. Qui est ce gamin complètement énergique, moi je le trouve électrisant quoi, qui est vraiment qui envoie qui en, qui, ouais. qui renvoie quelque chose en tout cas, et qui joue encore là pareil quoi, qui joue de manière énergique, et voilà, il décide de venger en fait son ami qui a été harcelé vraiment par un groupe de jeunes aux cheveux longs. Les têtes à claque quoi. Et tu dis ça parce que toi t'as pas de cheveux. C'est peut-être pour ça. Bah ouais, tous les mecs qui ont des cheveux longs quand même, c'est des têtes à claque. Mais non. Bon, tout ça pour dire que t'as aimé ce film. Que j'ai bien aimé ce film, même si y a quand même des erreurs dans le scénario. Il y a des trucs qui sont un peu. Bon, je spoile pas, mais la scène sur laquelle est basé ce film en fait, je trouve qu'il y a une erreur quoi. C'est pas possible. Il y a une incohérence qui va pas quoi. Bon. Mais néanmoins, on s'en fout. Je le trouve que, en tout cas, pour parler du harcèlement scolaire, il est vraiment au cœur de l'actualité. Il est contemporain. Il est énergique et rapide. On s'ennuie pas devant. Donc ça, voilà, c'est très très bien. C'est, recommandation. C'est un premier film. C'est un premier film. De Ian England. Voilà. Donc Ian Angleterre. Ian Angleterre. Voilà. Et c'est le 15 mars. Ça sort le 15 mars. Je crois qu'on l'a pas dit. Effectivement, donc c'est le mois prochain. Et c'était tout pour les petites brèves des films qu'on avait envie de développer. Et ben voilà. Et ben c'est pas mal, les amis. C'est déjà pas mal. Bah oui. Et on va enchaîner sur une autre rubrique. Et ben oui, prochaine séquence. Oublier mon gilet pare-balles. Je suis le bonhomme du crash test. Manger les murs, compter les étoiles, prendre des vestes. Et on attaque sur une nouvelle rubrique qu'on vous propose dans ce podcast, c'est la rubrique crash test. Le principe. Mais qu'est-ce que c'est quoi le crash test? Alors, il y a une question de bus encore? Oui, c'est possible. C'est possible qu'on s'en prenne un dans la tête. Le principe, ça risque d'être souvent moi qui vais proposer des crash tests, puisque j'ai une cinématographie qui m'est propre. Inavouable, il faut le dire. Voilà, le principe, c'est de proposer aux camarades un film crash test, dans le sens où nous, on l'a vu, on sait qu'il est bien, mais il n'a pas l'air très très bien comme ça au demeurant, et il ne fait pas trop envie. Et ça fait partie de nos films fétiches, et qu'on encourage les copains de regarder, et après, on fera un compte-rendu crash test au prochain podcast, à savoir est-ce que c'était un crash test réussi, bah c'est-à-dire il y a eu l'airbag, ou est-ce que concrètement ça a été droit dans le mur. Voilà. Voilà. Et donc en cette période de Saint-Valentin, tu as voulu nous proposer une... Une trilogie crash test. Sentimentale, ouais, on va faire que formidable. Le premier. Hein, je vous autorise à faire que le premier. Ça va, ouais, merci, oui, s'il te plaît, quoi. Mais... Quand vous aurez vu le premier, vous voudrez voir les deux autres, j'en suis persuadée. Je crois à fond. Vas-y, balance. J'y crois à fond. J'espère que les gens connaissent déjà, mais sinon, allez vous intéresser à ça. Ça s'appelle la trilogie des Before. C'est devenu une trilogie, mais je ne sais pas si c'était pensé comme une trilogie au départ. Et c'est en fait le film qui suit une histoire d'amour sur 20 ans, mais en temps réel. C'est-à-dire que les acteurs, donc Ethan Hawke et Julie Delpy, on se sont plus ou moins fait connaître par le premier film qui est Before Sunrise en 1995, qui raconte la rencontre de deux étudiants dans un train pour Vienne. Voilà. Et en fait, c'est un focus sur leur discussion toute la nuit jusqu'au lever du soleil où chacun reprendra sa route. Et en fait, donc je vous encourage énormément à voir ce film parce que c'est pas mélodramatique, c'est une comédie romantique intéressante parce qu'il y a des dialogues incroyables, des dialogues longs avec des plans séquences, qu'il n'y a pas de cut, il n'y a pas tout ça, voilà. Et les acteurs sont très très bien. Et je trouve que la trilogie en plus est hyper intéressante puisqu'en gros on les voit à 20 ans quand ils sont rencontrés. On ne sait pas comment je veux pas spoiler, donc simplement le film reprend leur histoire quand ils approchent la trentaine, donc c'est Before Sunset en 2004, et le dernier film qui est sorti en 2013, c'est Before Midnight, donc on les retrouve encore à la crise de la quarantaine, on va dire ça comme ça. Et ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est que donc Before Sunrise, c'est un peu le film qui a fait connaître Ethan Hawke et Julie Delpy, mais Before Sunset et Before Midnight, c'est-à-dire le numéro 2, le numéro 3, ont été écrits par Julie Delpy et Ethan Hawke, qui sont d'ailleurs restés très amis depuis le premier tournage. Et c'est très intelligent, c'est pas du tout romancé, on a vraiment l'impression de regarder des potes qui discutent. voilà. Et quand on voit du coup le film 2, le film 3, c'est retrouver des potes qu'on n'aurait pas vu depuis longtemps. Enfin, moi, je vous encourage vraiment à voir ce film. Ah, donc, c'est moi, un crash test. Parce que discute, j'ai pas envie de voir ça. Hein, mais... bon, alors, moi, je suis confiante sur cette trilogie. Après, on en reparlera donc dans le prochain podcast. Bon. Est-ce que je me suis pris un vent total avec ce truc ou est-ce qu'au contraire, sachant qu'en plus, je vous parle à vous deux qui êtes quand même juste le. À l'opposé des passionnés des films de romance, si on c'est peut dire. C'est moins qu'on puisse dire. Ouais. Donc je joue gros sur ce que je propose là, crash mais test. En tout cas, voilà, ce sera le film crash test. Bon, moi j'y vais reculons, debout sur les freins, mais c'est Richard Linklater et dans ce que tu dis, on retrouve un peu le projet Boyhood que j'ai vu par contre. Avec le gamin. Le film tourné sur 12 ans de temps et on voit le gamin vieillir à l'écran. Et c'est vrai que Boyhood est vraiment très très chouette. Donc on va aller voir Before lequel déjà ? Sunrise. Le premier, c'est Before Sunrise. Before Sunrise. Quand tu as parlé de films romantiques, j'ai pu écouter. J'ai juste après raccroché au moment où tu as parlé de plan-séquence un peu long. Donc, rien que pour ça, je pense que je vais quand même le regarder. Quoi. D'ailleurs, le numéro 2 est très court. Il fait 1h20. Si ça peut vous aider à voir le 2 après avoir vu le 1. On peut pas regarder que le 2. Non, il faut voir le 1 d'abord. Non, mais c'est quand même intéressant. C'est que franchement, j'ai l'impression que c'est un plan-séquence d'1h20 pratiquement. Enfin, c'est faut pas, il y a des coupures hein, bien sûr, mais cinématographiquement, il est intéressant et surtout au niveau du dialogue, la vraie importance de ces trois films, c'est le dialogue. OK. OK. Ah bah c'est noté. Allez, merci. Ça sera le crash test du mois prochain ou deux, on sait pas quand il sortira le numéro prochain, mais c'est pas grave. Ouais. De la prochaine fois. Ouais. Gentlemen, welcome to Fight Cine Club. Sur ce, les amis, on est arrivé au bout de cette émission. Premier épisode pilote. Et au bout de 4 heures d'enregistrement. Déjà, on n'était pas frais en arrivant, mais là, on est encore moins. Hein. Donc, écoutez, comment ça s'est passé ce premier numéro ? C'était trop cool. Ouais, c'était, mal, hein. C'était trop bien. On le refera si on a des auditeurs. Bah, oui. Ce qui est pas sûr du tout, mais bon, après tout. On s'en fout. Est content. Bah, oui. C'est pour nous. Puis, on aura fait ça pour nous. Voilà. On espère qu'on vous aura intéressé un minimum. Vous n'hésitez pas à partager hein, si vous écoutez ce podcast et que sur vous l'avez trouvé sociaux, cool. Les réseaux sociaux, le web. Vous êtes un peu maso. Le dark web, si vous voulez aussi. Côté obscur du web, c'est quoi le dark web ? Tu connais pas le dark web ? On t'expliquera. Une ceinture offerte pour chaque podcast partagé. D'accord, je crois que j'ai compris. Non, pas du tout. Bref, c'est pas grave. Sur ce, c'était juste pour vous dire au revoir. On se retrouve, j'espère, le mois prochain. L'idée, c'est qu'on essaye de se retrouver un petit peu régulièrement pour vous parler de ce qu'on a vu ou pas. Si on a été encore privilégié le mois suivant, peut-être. Mm-hmm. Et puis, voilà. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait ? On va se quitter en chanson. Bah j'ai oui. envie de dire, ah après oui. tout, c'est Swiss Army Man qui nous a donné des idées. Alors c'est parti. Il va falloir l'assumer ce truc-là. Ouais. Allez, au mois prochain, les amis. Ciao.